on avance dans la troisième partie ici. Fermez d'abord la Bible, je vous pose quelques questions avant qu'on ouvre. Parce que c'est des moments où on n'a pas ouvert, là on va travailler. Maintenant, je vais toucher le cadre de la femme particulièrement. Vous voulez? C'est la, les questions que je vais poser maintenant, ça concerne seulement la femme. Mais vous les frères, si vous avez des problèmes, quelques questions qui vous naissent à l'esprit par rapport à cela, répondez d'accord, ou bien vous présentez votre question. Qui sont les femmes qui sont ici dans cette assemblée qui veulent plaire au Seigneur? Vous voulez plaire au Seigneur? Ok. Si vous voulez plaire au Seigneur, je vais vous dire donc ce que le Seigneur dit, d'accord? Vous concernant. Hier, on a commencé, on a touché quelques brèves de cela. Vous voulez qu'on voie ce que le Seigneur veut pour vous, comment le Seigneur vous veut. Maintenant, je vous pose d'abord la question. Avant que vous ne voyez dans cela, vous cherchez à plaire à qui d'abord, avant de répondre à cette question-ci? Dans vos vies, quand, journalement, tout ce que vous faites, est-ce que vous voulez plaire au Seigneur? Non. Ok. Quand vous êtes sorti de la maison, vous allez au miroir, n'est-ce pas? Mm-hmm. Quand vous regardez là, vous voulez voir quoi au juste? Comment tu es? Mm-hmm. Quand tu as vu, tu étais satisfait, n'est-ce pas? Mm-hmm. Ok. Donc, on va voir maintenant si à l'image de ce miroir-là, ce que tu as regardé est comme satisfaction, Dieu est satisfait de vous. Donc, derrière votre miroir, que vous vous imaginez derrière votre miroir, je vais venir au devant de vous, je vais mettre la Bible devant ce miroir. Pour que vous voyez au travers de la Bible, pas au travers du miroir physique. Vous êtes d'accord? Mm-hmm. Commençons par Ecclésias. Chapitre 7. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Quand j'aurai annoncé tout ce qu'il veut que j'annonce, mon rôle sera terminé. Il sera de vous maintenant. Il sera de vous maintenant de marcher ou bien de... Je n'ai pas marché avec lui. Courage, d'accord? Merci. Ça va aller, d'accord? On va prier tout à l'heure, d'accord? Les diagnostics que les hommes peuvent donner peuvent ne pas être le diagnostic. Mais le Seigneur n'a pas dit ça, d'accord? Ecclésiaste chapitre 7, vous y êtes? On va lire à partir du verset 26 jusqu'au dernier verset. Verset 26 jusqu'au dernier verset. Ecclésiaste 7, 26. Et j'ai trouvé plus amère que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet. Stop. Disait comme ça pour que vous sachiez qu'on a mis ça dans la Bible. C'est ça qu'on incite ainsi. Salomon dit ici à cette épisode, chapitre 7, verset 26, il dit qu'il a trouvé plus amer que la la femme dont le cœur est un piège. Donc, quand la femme a un cœur, que c'est le piège, elle est dangereuse plus que la mort. C'est pour ça qu'il veut parler des femmes. Ça, c'était l'évangile, l'évangéliste qui a été envoyé pour étudier les femmes. Le voici. Ça, il dit Salomon, pas celui-ci. C'est celui qui a dû parler. C'est lui qui a été envoyé pour étudier la femme. Dieu l'a pris, il l'a mis dans son laboratoire. Il a observé les femmes, de la plante des pieds jusqu'à ses cheveux. Il a vu dans leur cœur. Il a vu les femmes. Enfin, les autres continuons. Suivez, suivez attentivement. Et dont les mains font des liens. Souvenez-vous, il y a le cœur qui est un filet, les mains sont le lien. Donc, quand son cœur est un filet, elle te tient avec la main, et puis. Mais les mains font des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe. Lui est. Lui échappe. Donc, la seule possibilité d'échapper à une femme qui a le cœur perverse, le seigneur de cœur, c'est que vous êtes agréable à Dieu. Il faut maintenant expliquer ce que veut dire être agréable à Dieu. C'est un autre paire de manches là maintenant. Mais le son agréable à Dieu. Suivons ces femmes-ci. Pourquoi Dieu dit qu'il a le cœur des pièges? Que veut dire tendre les mains pour, comme filet, n'est-ce pas? On va examiner maintenant et on va revenir sur vous. Allons-y, frère. mais le pécheur est pris par elle. Oui. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Vous entendez ça, hein? Qu'il a examiné les choses une à une pour en saisir la raison. Il voulait comprendre le pourquoi des choses. Il est resté tranquille. Dieu lui a donné la sagesse pour comprendre. En fait, de nous instruire, nous qui sommes arrivés à la fin ici, que observez telle chose, observez telle chose. Puis il arrive à quelle conclusion, frère? Voici ce que mon âme cherche encore. Oui. Et que je n'ai point trouvé. Oui. J'ai trouvé un homme entre mille. Oui. Mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Vous avez entendu ça? Quand lui dit Proverbe, donc il va dire que celui qui trouve la femme a trouvé le bonheur. C'est un don qu'il obtient de l'Éternel. Mais pourtant, il y a les femmes dehors. Donc, il ne suffit pas de se marier avec n'importe qui. Ouh, elle est belle, elle a les yeux revolver. Dans le revolver se trouvent les balles, frère. C'est pas ça. Quand on dit qu'elle a les yeux revolver, ça veut dire que c'est ici, toi, tu ne peux pas bouger. Elle est là, tu es inoptisé. C'est une femme, ça, frère. C'est le filet, quelque chose se trouve dedans. Alors, la Bible nous déclare que Salomon a examiné les choses une à une pour changer de sang. Mais il a dit, dans sa recherche, quelque chose lui échappe. Il a encore recherché encore. Donc, parmi les mille femmes qu'il avait, il n'a pas trouvé le bonheur. C'est lui qui vient de nous dire. C'est pour cela qu'il multipliait femme après femme pour chercher la femme. Le but pour lequel il avait mille femmes, il cherchait la femme. Il avait ses mille femmes. Donc, c'est 700 femmes, les princesses et 300 concubines. Mais il n'avait pas la femme donc, qui fait le bonheur de l'homme. Vous voyez là où ça l'a conduit. Si vous lisez votre livre de Néhémie, au chapitre 9, lorsque on va commencer à se répandre là-bas. Néhémie va dire que c'est en cela que le roi Salomon a péché lorsqu'il allait vers les femmes avec lui. Il aimait beaucoup les femmes. Et l'ont conduit dans le péché. Vous suivez mes frères? Donc, vous les femmes, vous avez un problème devant Dieu. Il dit là-bas que voici la conclusion de ses recherches. Jusqu'à ce qu'on lui a donné les diplômes des fins de formation pour cela. On dit que dans sa découverte, il a découvert que sur 1000 hommes, on peut trouver quand même quelqu'un qui est valeureux. Mais sur toutes les femmes, il n'a jamais trouvé. Alors, vous les femmes, posez-vous la question. Si vous étiez au temps de Salomon, est-ce qu'il vous aurait trouvé comme une femme? Posez-vous la question là maintenant. C'est ça, donc posez-vous la question. Parce que vous avez les yeux, deux yeux. Il n'a pas dit qu'il a trouvé, les mille femmes avaient trois yeux, l'autre avait deux têtes. Non. Ils avaient les mêmes carrues comme vous. La question maintenant, c'est que qu'est-ce que Salomon est en train de chercher dans une femme pour qu'il dise voici la femme donc véritablement que je suis en train de chercher. Parce que c'est pour la beauté. Vous n'êtes pas belle. Parce qu'il avait que les princesses. Les princesses ne passaient pas n'importe comment. Si vous lisez le livre d'Esther, lorsque la reine Vasti a déshonoré le roi, on a dit qu'on choisit parmi les vierges, on cherche les jeunes filles, parmi qui sont belles de figure, et le roi va prendre celle qui va être reine. Pas vrai? On les a choisis, elles ne se sont pas présentées devant le roi directement. Non. On leur a donné un soin de qualité, de beauté, de qualité pendant 12 mois, et chacun devait se présenter devant le roi. Donc, les princesses étaient traitées. Donc, malgré leur beauté qu'on faisait sur eux, de la plante de plus qu'à la tête, Salomon n'a pas trouvé la femme. Alors, je pose la question. C'est quoi donc une femme d'après Dieu? Ah, ma femme est belle, vraiment, hein? À l'intérieur, tu vois celui qui est dans le cœur, qui rentre, je vais le traiter. Il dit, chérie, ça va? Oui, ça va. Tu es rentré dans ton cœur. Hé, hey! L'eau glacée sur mon cœur, ma femme, c'est même aujourd'hui. Alors, c'est qu'elle dit, chérie, comme ça là. Il y a une chaussure qu'elle a vue au marché qui coûte 15 000. Elle ne dit pas que chérie, il y avait une chaussure. Comment, chérie? Mais tu es bien rentré aujourd'hui. Bon, tu es beau, ma chérie. Le piège, c'est quoi? 15 000 doit sortir pour la chaussure là. Vous avez vu sa femme? Vous avez vu la femme là, n'est-ce pas? Observez les femmes dans la Bible. Il n'y a pas longtemps, j'aurais souhaité tracer depuis la première femme jusqu'à la dernière qui est l'Église. Depuis la première femme, Ève, jusqu'à la dernière femme qui est l'Église du Seigneur Jésus. Et en allant en parallèle avec les deux, l'Église de Satan et l'Église du Seigneur Jésus, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Pour que vous sachiez exactement de quelle Église vous vous retrouvez. Amen. Amen. Les femmes ne me regardent pas comme ça, mais vrai, comment vous me regardez comme ça là? Mais ils sont dit qu'il veut qu'on. Il dit au miroir que vous mettez au devant de vous. Il faut que je mette la Bible entre vous et le miroir. Pour que vous compreniez que ce n'est pas votre extérieur, c'est que Dieu veut que vous vous attelez à manifester. Parce que si vous vous manifestez, vous cherchez dans cette beauté-là, les gens sont plus belles que vous. Ce n'est pas ça le problème. Vous avez un problème avec votre cœur. 1 Pierre chapitre 3. Notez le lieu des proverbes. Le temps là. Et quoi que ceci, on pourrait faire ça 3-4 heures. Ce sujet, c'est pour toucher cela. Parce que Salomon lui a pris des années pour pouvoir chercher. Vous savez, quelqu'un qui a fait des années pour rechercher, il n'a pas pu trouver. C'est pas en une heure qu'il peut prêcher ceci, ça. C'est pas ça, frère. Il dit qu'il n'a pas encore trouvé. Il a fait ses recherches. Avec tout l'enseignement que Dieu lui a donné, il n'a pas pu trouver. Il dit qu'il a quand même découvert que entre les hommes, 1000 hommes, il peut quand même discerner qu'il y a un. Et on voit effectivement en Israël comment il y avait des valeureux hommes comme par exemple Joab qui pouvaient bagarrer, arriver dans une ville. Il a laissé David dehors. Il a dit à envoyer, appeler David pour qu'il vienne saisir, entrer dans le trône. De peur que je n'entends pas que la gloire me revienne. Quel homme peut faire ça aujourd'hui, frère? Que tu arrives là-bas, là où il y a l'honneur, là où il y a la gloire. Tu attends que la gloire revienne à une autre personne, un être humain. Alors qu'ici, aujourd'hui, on voit le président. Quand on voit, quand on salue le président, chacun salue le président, c'est que monsieur le président. Dans le cœur, si on pouvait lire ce qui est dans son cœur, c'est qu'un vieux père comme ça, tu ne peux pas laisser la place aux gens. Il faut quitter là-bas. Pourquoi c'est toi ce qu'on a tué à honorer? Pas vrai? Voilà l'être humain. Mais il y avait des valeureux hommes en Israël. Joie, des gens d'honneur. Amen. Alors, j'ai dit qu'un des versets de la Bible, 1 chapitre 3. Allons-y. Nous allons lire à partir du verset 1, d'accord? Tu peux lire à haute voix. Femme, que chacun soit soumise à son mari, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Donc, Dieu s'attend aux conduites. Donc, il y a une première chose qui nous révèle ici. La conduite de la femme est le problème. La conduite, le caractère de la femme. Avançons. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Votre moyen de vivre est un problème. Conduite, manière de vivre. Avançons. Chaste et respectueuse. Oui. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, oui. Les ornements d'or, oui. Ou les habits qu'on revêt. Stop. Donc Dieu ne veut pas que vous concentrez sur votre extérieur. On arrive là maintenant. Hein, mesdames? Donc vous ne devez pas avoir, ayez non ceci. Ayez non ceci. Mais, allons-y, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Stop, vous avez vu? Donc, ce que Salomon disait dans l'Éclairage chapitre 7, verset 26, qu'il a trouvé plus amer que la mort, la femme dont le cœur est un piège. Donc, il y a et le vrai problème, c'est que ce n'est pas la femme là qui fait son cœur. Voici le vrai problème. Ce n'est pas elle qui fait son cœur. Son cœur, elle ne connaît pas là où son cœur. Puisque ce matin, c'est lève, on dit que tu as fait quoi cette nuit? Tu as rêvé quoi? Il dit que j'ai rêvé, j'étais sur un carrefour. Un cœur me disait que va à gauche. Un autre cœur me dit va à droite. L'être humain a combien de cœurs? Mais comment elle a deux cœurs à l'intérieur qui dit, l'autre dit que va à gauche, l'autre dit va à droite. Donc, à l'intérieur de ce seul cœur se trouve un problème. Il dit, au lieu de vous concentrer sur votre miroir à l'extérieur, pour regarder votre beauté extérieure, en fait, Dieu veut dire que, sache que si vous couchez là-bas, la deuxième journée, c'est les mouches et les asticots qui vont manger à cela. Ne vous appelez pas là de l'extérieur. Il dit, mais la parure intérieure, parure veut dire ornement. Ornez votre intérieur. Réservez le problème de l'intérieur. Pour que quand Salomon va venir maintenant sur la forme de l'esprit, il dit que voici la femme vertueuse. Dieu cherche la femme vertueuse. Et c'est à la femme que Dieu demande ça. Dieu ne demande pas la vertuosité à l'homme. C'est l'homme, c'est la femme qui doit être vertueuse. Parce que la femme a un problème dès l'origine du monde. Dès l'origine, c'est elle qui a créé le problème. Et c'est elle seule qui a été faite, pas d'après l'original. Ne vous inquiétez pas, il parlait pour le péché original. Ne vous inquiétez pas là-bas. Je ne bouge pas. Je sens dire que c'est parce que dès le départ, vous avez un problème dès le départ de l'humanité. C'est pour ça que c'est comme ça. On n'a jamais dit à l'homme de faire attention avec son habillement. C'est toujours à la femme. Le commandement, c'est à la femme. Parce que la femme a été conçue pour séduire. Vous entendez cela? Le pied se trouve dans son cœur. Sa main est un filet. Pour attraper. Et remarquez très bien que le but pour lequel son cœur et sa main sont là comme piège, c'est pour faire tomber. C'est pour faire tomber. Alors, je pose la question. Quand vous êtes jeune fille, quand vous regardez dans le miroir, vous sortez vos habits, vous allez au marché, vous regardez quelque chose qui sert le corps. Vous regardez, vous prenez un, c'est grand. Vous dites, yish, maman, je ne suis pas un maman. Vous prenez comme ça. Là. Quand vous portez, vous mettez comme ça, là, ça montre votre nombril. Donc, tu vois que c'est pour ta petite soeur. Tu achètes, tu pars haut. Dis-moi à ton voisin que tu pars haut. C'est pas ça. Hein? Voici le pain que je porte sur moi. Quelqu'un, une femme va, elle achète un pain. 15 000. Elle va chez la couturière. La couturière met son maître depuis ses reins. Elle descend. Non, coupe ici. Le reste, dis à ton voisin, le reste là, on fait quoi de ça? C'est à vous les femmes. Dis que le reste là, vous faites quoi de ça? Donc, tu as acheté le pain. Il y a le pain. Pour descendre jusqu'en bas, on coupe en haut. Dis, tu veux montrer quoi aux gens? D'autres encore, elle finit de descendre. C'est bon. Après, elle dit que non, ne ferme pas entièrement. Fang ici. On fang, on met le trou. Dis que le trou là, c'est pour faire quoi? Voilà. Je ne sais pas, je sens de parler de ces pièges qui sont dans le cœur. Vous pouvez ne pas être conscient de cela, mais il faut qu'il pense ça pour que vous compreniez le pourquoi c'est le piège. Parce que tu arrives quelque part, tu fais tout pour qu'on voit tes fentes. Tu arrives quelque part, tu vois tes fentes. Mais ce qui montre que vous avez des problèmes, c'est que quand tu portes ce qui est de ton nombril, là, quand tu vois quelqu'un, tu as un sac, tu mets ton ventre, pas vrai? Donc ça veut dire on dit que tu devrais couvrir ça. Tu arrives dans un bureau, tu montres que tu entends un match, tu vois une fille marche en route, tu descends. Regarde bien, le Saint-Esprit a œuvré en disant que chaque, la prochaine fois, fais descendre tes vêtements. La prochaine fois, fais descendre tes vêtements. Elle dit, j'ai compris. La prochaine fois, fais défendre tes vêtements. Donc, c'est elle qui a coupé. Mais elle marche, elle dit, descends, non. Ça ne peut pas descendre. C'est le jour où tu avais coupé là-bas qu'il fallait laisser que ça descende. Vous entendez, n'est-ce pas? Et donc, quand elle vient au milieu de nous, elle s'assoit comme elle s'assoit là, comme ça. Si elle s'assoit comme ça là, si elle a une peigne, elle fait comme ça là. Elle couvre sur ça. Pourquoi elle couvre? Parce que c'est court. Donc, ce qu'elle vient de faire montre qu'il fallait que ça descende jusqu'à hein, jusqu'en bas. Donc, les femmes sont possédées sans savoir. C'est ça, n'est-ce pas? C'est le signe de la possession. Tu arrives quelque part, tu emballes, l'autre marche comme ça, comme le spaghetti. Elles sont serrées. Elles font comme ça, tu dis. Et non seulement ça sert ici, elles ont le talon, elles mettent le pied, même pour imiter, ça ne donne pas. Elles mettent le pied, ça fait que elle veut tomber, mais elle est toujours là-dedans. Elle est toujours là-dedans. Et grave encore, elle porte comme ça, elle arrive quelque part, elle a le babouche dans le sable. Remarquez l'esclavage où Satan a plongé les femmes. Elle a le babouche dans le sable. Quand ça fait mal, on enlève. Quand ça fait mal, on enlève. Pourquoi donc porter ce qui te fait mal? Pourquoi? Vous êtes possédé pour la délivrance. Ce n'est que les choses qu'on peut dire. Donc en réalité, il faut la délivrance. Il faut ça. Pour vous comprendre quelque chose, comment tu peux porter une chaussure? Tu fais que si ça fait comme ça, quand ton pied si ça va, ça se fait crack là, tu auras des problèmes pour toujours. Et si tu as ces problèmes là, tu vas porter une chaussure basse, n'est-ce pas? La blessure, ça peut te dire que désormais marche toi bas. Tu portes tes pieds là parce que vous avez vu, en fait, on a fait une fille fait comme ça. Vous dites que c'est ça qui est bien. On a dit que celui qui marche comme le chameau, c'est lui qui est belle, c'est elle qui est belle. Pourquoi vous voulez prendre le modèle sur eux? Tu fais même comme ça, même tes fesses, ça ne donne pas, mais tu forces. Oh, vous permettez qu'il parle, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, vous allez chez une femme, vous allez voir qu'elle a le sac vert ici, le sac rouge, le sac jaune, le sac bleu ciel, bleu ceci, noir. Tu demandes que le sac ci. C'est pour faire quoi? Il dit non, quand il porte ça, c'est pour marier avec ceci. C'est pour assortir avec ceci, il casse la couleur avec ça. Hein? Il casse les couleurs. Pendant ce temps, il y a une soeur qu'elle voit au milieu de l'assemblée qui n'a pas de sac. La Bible déclare que fais à ton voisin ce que tu aimeras qu'on te fasse. Elle a ses propres sacs. Laissez-moi, il ne parle pas dans ce domaine, il revient ici sous votre filet là. Donc dans votre cœur se trouve un problème sans que vous ne soyez conscient. C'est ce que l'apôtre Pierre le dit ici. Il a dit, ayez non cette parure. Donc il faut qu'on vous prêche sur votre extérieur. Que vous ne devez pas vous concentrer sur cet extérieur ci. On va revenir là maintenant. Mais voici ce que Dieu. Enfin, finissons le verset. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté d'un. Incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Puis dit, ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, comme Sarah, qui appelait son mari, c'est un Seigneur. Vous avez vu ça? Mais aujourd'hui, il dit qu'une femme appelle son mari Seigneur. Que lui qui? Il est Dieu. Il est Dieu. Comment? Parce que tout à l'heure, la révérence vient. Non, révérence c'est révérend. Seigneur, c'est Seigneur. Mais est-ce qu'un homme peut être Seigneur? Donc, ça dit Sarah avec toi avant d'appeler Abraham Seigneur. Donc là, ça m'a dérangé depuis des années, je ne comprends pas. Non, c'est Seigneur parce que c'est une appellation. Il y a le Seigneur en tant que divinité. Il y a le Seigneur en tant que respect. C'est un peu comme on dit, tu as appelé ton père, non? Le Seigneur a dit dans Matthieu 23 que n'appelez personne sur la terre votre père. Il parle en termes de titres religieux. Parce que chaque personne a le père. Parce qu'on a dit là-bas, on a dit aujourd'hui dans Éphésiens chapitre 6, il dit que père, n'irritez pas vos enfants. C'est pas ce qu'on a dit aujourd'hui. On ne peut pas dire que n'appelez personne père. Et la Bible en avait parlé de ça, père. Donc le père dont il parle dans Matthieu 23 est autre chose par rapport à ses pères, paternité terrestre. Donc tu peux aller vers un autre, tu dis que mon père, en termes de titres religieux. D'accord? On avance là. Donc, Éphésiens chapitre. Le verset 26 nous dit qu'il a trouvé plus amer que la mort la femme dans le cœur. Donc il n'a pas dit ça à toutes les femmes. Mais il est sorti à sa conclusion en disant qu'en réalité, la vraie femme selon Dieu est rare. Il a fini son étude sans trouver la femme. Donc là, en fait, Dieu lui a posé la question, quelle est la conclusion de ton étude? Il n'a pas pu trouver. Je n'ai pas pu trouver. Puis Dieu lui donne la révélation qu'en réalité, l'homme qui vit dans le péché, les femmes là vont le faire tomber. C'est pour ça que vous allez voir vraiment que le péché qui pouvait le monde sur le sexe. La femme est devenue comme le porc qui passe là-bas, comme la chienne. Ça passe là-bas, l'autre chienne couche. Après ça fait ça, là-bas, l'autre couche là-bas. Elle peut coucher depuis le taximan jusqu'au vendeur de bœufs, en vendant avec le vendeur de poulet, à cause de son poulet. Même si elle a l'argent. Même si elle a l'argent. Tu dis, tu es belle, elle dit merci, c'est suffisant pour elle de tomber. Faites attention, d'accord? Donc, on veut faire le diagnostic même de l'intérieur à l'extérieur. Le cross commence à partir de l'intérieur. Donc, si l'intérieur est un piège, l'extérieur avec la main commence à manifester le piège. Qu'est-ce, comment je vais faire? Parce que le piège se tisse avec la main. Mais la pensée du piège vient dans le cœur, le style du piège. Maintenant, quel est mon style? Il faut que je porte le vêtement court. Pour que quand le gars m'habille, c'est elle qui fait avec sa main. Ça veut dire association, d'accord. Elle prend avec sa main, elle porte sur elle. Quand elle porte, ça la serre. Même s'il fait chaud, elle dit que je suis une gangan là-dedans. C'est pas ça? Non, on va toucher les cheveux tout à l'heure. Fais les cheveux. Quand elle fait les cheveux, c'est qui? Elle pense à qui? Rihanna. Elle met ça comme ça, comme Rihanna. Quand elle parle, elle fait comme ça. Comme qui? Rihanna. Tourne-toi avec ta voisine, dis tu n'es pas Rihanna. Vous êtes à Yaoundé ici, non? Rihanna vous connaît? Non. C'est vous qui cherchez à connaître les coiffures, vous allez voir que sa coiffure comment. Pourquoi? Vous avez la même forme de tête? Pourquoi tu veux imiter quelqu'un? Proverbe chapitre 6. Rihanna, elle marche comme ça. Pendant ça, qu'elle fait comme ça là. L'autre elle fait comme ça. Vous voyez, les femmes sont possédées, non? Pendant qu'elle fait ses cheveux comme ça là, elle dit oui, oui. Quand elle passe à Yaoundé, elle parle au niveau de Bastos, son style de français change. Il dit que, vous riez maintenant, vous les femmes là. Si elle arrive à Bastos, le tassement dit, c'est ici. Il dit, bon, c'est pas ici, je ne sors pas ici, moi. Le même tassement arrive à, nous sommes dans quel quartier ici? Mimouman. Elle dit, laisse-moi ici, c'est même quoi? Le français a changé. Parce qu'on veut, bon, Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6. Soyez vous-même, d'accord? Mais soyez pas artificiel. Vous avez plus de valeur. Vous êtes dans l'église, rentrez tout dans l'église tout à l'heure, avant d'aller dans 1 Pierre 3. À l'église, si vous connaissez les psaumes au moins, après les psaumes, c'est proverbe. Votre sujet, c'est vaste. Je veux souhaiter avoir du temps. Avoir du temps pour toucher cela. Donc, dans Proverbe chapitre 3, chapitre 6, nous allons lire du verset 20, à partir du verset 20, où il parle de mon fils, que ses enseignements. Allons-y, frère. Mon fils, garde les préceptes de ton père. Oui. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Oui. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Oui. Ils te dirigeront dans ta marche. Oui. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Oui. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Oui. Ils te préserveront de la femme corrompue. Stop. Donc Dieu donne tous les enseignements comme ça pour que les hommes puissent te tenir ferme pour ne pas tomber sur le coup des charmes des femmes. Regarde tout ce qu'on a récité là-bas. Ils te préserveront de la femme corrompue. Il faut alors qu'on commence à entrer dans la pensée du Saint-Esprit pour savoir ce qu'elle est en train d'appeler par femme corrompue. Alors j'ai posé la question tout à l'heure. Quand vous allez au miroir, vous voyez quoi? Vous voulez plaire à qui? Vous dites à vous-même. Quel est votre but de vouloir vous faire plaisir? Vous voulez faire à vous-même, vous sortez pour aller au marché. Vous vérifiez d'abord si vous êtes belle pour vous-même. Mais si c'est pour vous-même, c'est dans l'intimité, pas vrai? Mm-hmm. Vous sortez donc pour aller à l'extérieur. Vous faites belle donc pour qui? Vous êtes comme ça possédé sans vous en rendre compte. Parce que vous avez quelque chose qui vous pousse à montrer une image à l'extérieur. Vous mettez le rouge à lèvres, le noir à cirage, comme vous le mettez là, on va voir cela maintenant. Vous marchez, vous mettez ça pour sortir, pas vrai? Pour sortir. Quand vous êtes à la maison pour dormir, est-ce que vous mettez? Je pose la question. Vous mettez donc pour qui? Donc en réalité, Satan vous pousse à aller séduire. Vous ne savez pas. Des instruments de destruction massive entre les mains de Satan. C'est vous là. Ouais. Je dois vous parler directement, d'accord? Directement. Même si ça aide maintenant, je n'ai pas le choix que de finir la mission. Alors, ça veut dire que quand je vais au miroir, je prends le rouge, je mets sur mes lèvres qui sont noires. Je veux présenter une autre image de moi que j'ai les lèvres rouges, alors qu'en réalité, je n'ai pas. La question c'est, ça vient d'où? De l'intérieur du cœur. Quel est le but? Pour qu'on revoie mes lèvres que c'est belle. Donc en réalité, mes lèvres ne sont pas belles, je sens de présenter une autre image. C'est ça qu'on appelle la séduction. Donc, si vous mettez un rouge à lèvres, vous êtes un agent du diable. C'est ce que vous faites. Parce que l'attribut du séducteur vient du diable. Je sens d'aller doucement, pas frère? Okay. C'est pas doucement, frère. La séduction, l'attribut, chacun manifeste un attribut. C'est vous faire plaisir à son mari. C'est que son mari a besoin de délivrance. Son mari a besoin de ses lèvres, pas des artifices. D'accord, frère? Continue à enlever ses cheveux. Parce qu'il y a sur les lèvres. Les lèvres elles... Quand ton mari veut l'embrasser, il embrasse les rouges à lèvres. N'est-ce pas, il le fasse avant de l'embrasser. Donc son mari n'a pas besoin de louer à lèvres, il a besoin de ses lèvres. S'il aime ça, c'est qu'il lui faut la délivrance. Avant son frère. Ils te préparerons de la femme corrompue. Vous avez vu la femme corrompue, non? La corruption, c'est... Quand vous remarquez bien, quand vous vivez comme ça, votre corps est en état de santé. Quand vous attendez dans la Bible, par exemple, il ne permettra pas que son bien-aimé par la corruption. Qu'il y ait la pourriture sur son corps. Donc son corps ne doit pas diquer, comme on dit en anglais, diquer. Donc vous mettez le corps, un corps de mort. Vous voyez, même le corps de la souris, quand elle meurt, deux ou trois jours, vous voyez que ça commence à pourrir. Ça doit... Après, ça fait. Il dit que c'est comme ça que la femme est. Elle est corrompue, ça veut dire qu'il y a la pourriture dans sa vie. Donc, les femmes qui sont avec le rouge à lèvres, avec les fausses choses sur elles, sont des femmes corrompues. Amen. C'est la Bible là. L'autre frère l'a dit que, il dit, ah, même parce qu'il n'est pas encore marié, on va voir si sa femme. Bon, prenez la chose au sérieux. Souvenez-vous, il faut que vous débarquez du lot. Il faut que vous vous dites que s'il avait été au temps de Salomon, il m'aurait choisi. Si maintenant vous ne vous en sortez pas, ça se passe que même Salomon récit, il va continuer à dire que même, Seigneur, donc jusque-là, on n'a pas encore trouvé. Vous cessez, n'est-ce pas? Démarquez-vous. Démarquez-vous. Être fort, ça ne veut pas dire préparer la nourriture à son mari, il vient, tu ouvres la porte. D'autant plus que d'autres viennent encore, ils disent que tu es venu à quelle heure? Va sais-toi toi-même, ça vient de te voler là-bas. On a parlé du caractère. Alors avançons ici, frère. Donc, après la femme corrompue. De la langue doucereuse de l'étranger. Vous avez vu cela? Avançons. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Vous avez vu ça? Vous avez vu? Vous avez vu? Donc, la femme qui va au miroir pour arranger quelque chose. Elle est en train de sortir, Dieu a donné un avertissement à ses enfants qui sont dehors que faire attention, ne la regarde pas telle qu'elle est parce qu'arrêtée, elle est corrompue. Donc ce n'est pas sa vraie beauté. Avançons, frère. Elle ne te laisse pas séduire par ses paupières. Par quoi? Paupières. Donc quand elle marche, elle fait comment? Vous les femmes, montrez-moi vos paupières. Chacun pointe ses paupières, tu vois. Qu'est-ce que vous appelez phare? Un clignotant. Donc, Dieu va jusqu'à indiquer les endroits où les objets de séduction seront mis. Il a commencé au niveau des lèvres en disant qu'en réalité, ça commence comme ça dans le cœur. Elles s'en vont au miroir pour mettre quelque chose sur les lèvres. Elles sortent en sortant. Elles se rassurent que quand tu vas voir à distance, tu vas voir parce que ça va frapper au niveau de son œil. Dieu a dit tout ça à l'enfant. Je pose la question. Vos objets de séduction rouges à lèvres, les phares et tous les clignotants que vous avez pris là. Ça sort d'où? Quel est votre but véritablement? Répondre à cette question. Alors, vous venez du lancement de dire, qui sais-tu depuis? Si le procès ça hier, aujourd'hui, vous ne serez pas venu. Donc, Dieu merci que c'est aujourd'hui. Demain, vous ne pouvez pas venir en disant que vous serez au travail, mais vous aurez quand même suivi aujourd'hui. Donc, alors, vous comprenez que Dieu est en train d'indiquer que vous avez des objets en vous et avec vous qui vous classent dans la catégorie de femmes corrompues, n'est-ce pas? Puis il a donné l'enseignement ici à ce jeune, il dit que ne la convoite pas dans ton cœur à cause de sa beauté, d'accord? Et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Donc, les femmes ont quelque chose sur les paupières qui ont un but. Le but, c'est de séduire. C'est ce que la Bible a dit. Ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas séduire. N'accepte pas que la séduction soit de ton côté. Donc, si un homme, mon frère, dit que je l'aime quand elle est comme ça, il a été séduit. Il s'est laissé séduire. Un homme normal qui a le goût de Dieu en lui dirait que mais c'est pas toi ici parce que quand elle va dormir, c'est pas comme ça qu'elle est. Elle fait comme ça, vous dites, ouh ma chérie, tu es belle. Attends, elle a le visage le soir. Oui. Dans l'Ancien Testament, on a vu comment, quand le roi me voulait choisir. Quel roi? On a vu le roi. Le roi de Babylone. Salue-moi bien, mes frères. Ouvre ta bouche, dis les chrétiens. Doivent sortir de Babylone. Voilà. Donc, il ne te laisse pas séduire par ses paupières. Tu ne dois pas te laisser séduire par ses paupières. Alors, il faut encore regarder la femme à l'image du plan du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu attend d'une femme? Pourquoi Dieu s'attelle à la femme? Juste parce qu'il donne la mission à un être humain sur la terre que faire des recherches pour dire à mes enfants qu'il faut qu'ils fassent attention à des femmes. Cette prédication-ci doit être prêchée pour que les femmes sachent qu'elles ont des problèmes. D'accord? Vous avez des problèmes. Parce que quand je portais des habits, on appelle ça habit sexy. Sexy connote quoi? Le sexe. On veut être sexy. Bon, maintenant, tu es une femme mariée, tu veux être sexy, tu portes le sexy, vous marchez dehors. tous les gens donc, qui sont dehors sont tes maris. Tu es une femme polygame. Vous voyez ça? Vous voyez mes chers amis? Oui. Oui, comment? Mais celui-là n'est pas une question de femmes. Tu as le droit avec les femmes, mon cher. Laissez les femmes se débrouiller ici. Il fallait même que les gars s'y sortent, pas vrai? Pourquoi on traite les affaires des femmes entre femmes? Il y a des femmes là, elles ne veulent pas se regarder parce que tu es un peu plus tourné pour vous regarder là-bas. Le goût d'un homme qui est serviteur du Seigneur, qui craint Dieu, va regarder d'abord l'intérieur. L'intérieur. C'est l'intérieur qui est. D'accord? Vous vous souvenez hier, quand nous lisions un verset, dans Tite chapitre 2, que vous allez avec quelque part dans Tite chapitre 2, il dit que la femme âgée doit aussi avoir l'extérieur. Je vous ai demandé d'entourer aussi. Je vous ai dit que c'est parce que Dieu, en dehors de l'extérieur, il demande quelque chose, l'intérieur. C'est pour ça que les prédicateurs ne comprennent pas ces choses. Ils disent que non, Dieu ne regarde pas à l'apparence. Il a dit que les femmes âgées aient aussi, c'est en plus de ce qu'on a demandé à 1 Pierre, qu'il ait aussi l'extérieur. Parce qu'en réalité, l'extérieur est la conséquence directe de l'intérieur. Donc, tu dis que tu es sainte, sainte, ça veut dire que mon intérieur n'est pas un piège. Et par conséquent, je me préserve pour ne pas faire tomber les fils de Dieu. Voilà ce qu'il en est en réalité. C'est en cela que ça consiste la sanctification concernant les femmes. On dit sanctification, oh, non, sanctification, je ne commets plus de fornication. Tu peux ne pas te connaître physiquement, mais tu pêches au moins 400 fornications par heure. Parce qu'on n'a pas enseigné ces choses-ci. Il y a la sainteté à l'extérieur, il y a la sainteté à l'intérieur. Pour commencer à l'intérieur, il faut être honnête. Il faut d'abord s'asseoir avec ses fondations. Est-ce qu'il veut aller avec Dieu? S'il veut aller avec Dieu, ce sont ses valeurs à lui, ses standards que je dois commencer à respecter. Alors maintenant, je pose la question. Quand tu parles de moi, tu veux plaire à qui? Je vais plaire à moi-même. Donc, ça veut dire que tu as des problèmes. Parce qu'il a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un ne hait pas sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Donc, tu dois mourir. Tu dois mourir pour qu'il fasse place. Vous voyez cela? Alors, je pose la question que je pose. Quand vous allez au miroir, vous voyez quoi? Que vous ensemble, je viens vers vous, je dis que vous vous aimez. Je dis, voici le billet. Vous allez souvent dans les boutiques, on a mis les faux billets sur les vitres. Pour dire, c'est ça les faux billets. Vous venez avec deux, mais vous voyez que ce billet-là a changé de couleur. Je prends ça, il va vous dire que je t'aime. Prends le tel service ça. Quand tu prends ça, tu dis, waouh, ça c'est le faux billet que tu m'as donné. Je t'aime vraiment. Si je t'aime, je te donne quelque chose de faux. Dans ce cas, pourquoi Dieu vous a donné les faux, les vrais cheveux, vous mettez les faux? Je veux que vous me répondez. Donnez-moi une explication claire du fait que mon Dieu vous a donné les vrais cheveux, vous avez refusé, vous mettez du faux là-dessus. Je veux que vous répondez à cette question honnêtement. Et puis vous rentrez dans vous-même pour savoir en réalité qu'est-ce qui vous inspire. Dieu met les ongles naturels. Quand tu veux te gratter, tu te grattes comme ça. Tu fais n'importe quoi. Même si tu connais ça au mur, ça ne te dérange pas. Mais tu parles l'autre, tu fais comme ça comme le chat. Tu marches, tu fais comme ça comme le chat. Même pour te gratter, tu fais comme ça. Ça te dérange. Tout te dérange parce que tout est faux. Tu mets le rouge à l'épaule pour marcher, que tu vas faire ça. Quand le chat. Pourquoi vous souffrez? Pourquoi mes femmes? Pourquoi vous souffrez? Ne voyez-vous pas que vous êtes attachés? Tourne-toi, regarde ta voisine, dit qu'il faut qu'on en soit délivré. Vous êtes d'accord pour qu'on parle, non? 1 Corinthiens chapitre 11. Ton frère, il n'aime pas les femmes. J'ai une femme avec deux enfants. Ma femme s'appelle Grâce. Et c'est une grâce du Seigneur. Je n'ai pas encore vu une femme. Quoi que Salomon avait cherché, ça arrivait sur ma femme. 1 Corinthiens chapitre 11. Je vous aime. Je suis obligé de vous dire la vérité. On est d'accord, n'est-ce pas? Ok. Quand vous allez entrer à la maison maintenant, allez encore au miroir, regardez ce que vous avez sur la tête, la crinière de Dieu, ou bien vous voulez imiter Chantal Biao, ou bien c'est qui vous voulez imiter. Mais allez là-bas avec la parole de Dieu. Mettez Proverbe comme ça à côté de vous, regardez Proverbe, regardez le miroir, vous voyez ce que vous voyez là-bas. Mettez Ecclésiaste devant de vous, chapitre 6, chapitre 7, verset 26, regardez. La femme dont le cœur est un piège et la main un filet. Je mets ça pour quoi? Au juste, au juste. Tenez, répondez à cette question. Pourquoi est-ce que je mets ceci au juste? Il y a dit 1 Corinthiens 11, n'est-ce pas? Nous avons parti de verset 3, frère. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Oui. Que l'homme est le chef de la femme. Oui. Et que Dieu est le chef de Christ. Oui. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte déshonore son chef. Stoppons là-bas. Frère, Frère Cyril, on a dit tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Qu'est-ce qu'on a dit? Vous l'a dit. Que la femme doit prier comment? La tête doit être comment? Couverte. C'est-à-dire quoi couverte? Voilée, attachée. Donc l'homme, on dit tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Donc on lui interdit de se couvrir la tête. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Alors que je veux dire couvrir la tête pour l'homme? Si couvre la tête, qu'est-ce que ça veut dire? Pour l'homme? Oui. Par exemple. C'est-à-dire qu'il a mis. Donc par exemple, quelque chose comme ça là. Tu es comme le gars dans le film de Jésus Nazareth qui lise la Torah là. Papa. Donc, d'après ce que vous avez dit, on a dit là que tout homme, lui il était un homme. S'il prie ou qu'il prophétise la tête comme ça, il allait déshonorer son chef qui est Christ. N'est-ce pas? Alors le pape qui lit la Bible avec la tête couverte, il déshonore qui? Christ. Vous avez vu? Vous avez vu? Les apôtres de tous les vous appelez Seigneur, mon Seigneur ou quoi là? Tout ce qu'ils prient avec, ils ont les chapeaux rouges à un moment donné, l'autre le chapeau qui monte vers le ciel, l'autre qui a le tour de Babel. Tout ça, c'est pour faire quoi? C'est pour montrer effectivement qu'ils sont conscients dans le péché, pas vrai? Mais la Bible dit que si quelqu'un fait ça, il déshonore son chef. Vous voyez, n'est-ce pas? Là, on en est, n'est-ce pas? Donc, arrêtez, il dit, si celui-ci lit la Bible en priant, il laisse ça, il a déshonoré Christ. Donc, par conséquent, il ne doit pas avoir quelque chose sur la tête. Allons-y, verset suivant, volet suivant. Toute femme au contraire. Stop. Toute femme au. Donc, l'homme ne doit pas avoir cette chose sur la tête. La femme au contraire doit faire comment? Doit avoir. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Donc, Dieu s'attend à ce que si l'homme veut faire quelque chose, qu'il n'y ait pas quelque chose sur la tête. Si la femme veut faire quelque chose pour lui, qu'il y ait quelque chose sur la tête, n'est-ce pas? On avance maintenant jusqu'au verset 15, où la chevelure a été donnée comme voile. Maintenant, il dit, toute femme au contraire qui. Qui prie ou qui prophétise. La tête non voilée déshonore son chef. Oui. C'est comme si elle était rasée. C'est comme si elle était rasée. Donc on dit que si la femme prophétise la tête non couverte, c'est comme si elle était rasée. Mais les pasteurs disent que la chevelure, c'est déjà le voile. Mais on dit que si elle prie sans avoir quelque chose sur la tête, c'est comme si elle était rasée. On ne dit pas qu'elle est rasée. Donc, elle est considérée comme rasée devant Dieu si elle ne se couvre pas la tête. C'est quand même terrible, la Bible. Donc, la femme a deux chefs sur sa tête. Devant elle, il y a l'homme, il y a Christ. D'accord? Le volet suivant dit que la chevelure lui a été donnée comme pari parce que la femme a été créée à cause de l'homme. Son ornement a été donné. C'est mieux qu'on lise. Avançons. Car si une femme n'est pas voilée, elle se coupe aussi les cheveux. Donc, si tu refuses de te voiler, ce que tu vas faire, c'est quoi? Coupe aussi le cheveu. Donc, si tu refuses de te voiler, si tu refuses de mettre quelque chose sur la tête pour te couvrir, dans ce cas, coupe tes cheveux. Alors, si tu refuses de te voiler, si le cheveu était le voile, si tu refuses de te voiler, ça se pose que tu es. Non, si tu refuses, si la femme refuse de se voiler, si on dit que les cheveux, c'est le voile, si elle refuse de se voiler, ça se pose donc qu'elle n'a plus de cheveux. Les cheveux, justement, il dit physiquement, c'est qu'elle n'a plus de cheveux. Et on dit que si elle ne se voile pas, qu'elle coupe aussi ses cheveux. Donc, les cheveux et les voix sont deux choses différentes. D'où vient-il que le pasteur vient dire, non, votre chevelure, c'est ça, votre cheveu, votre voile. Je ne sais pas où le pasteur va se tenir devant Dieu un de ces jours. Avançons, frère. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. C'est un commandement, pas vrai? Attends, l'homme ne doit pas. Oui, c'est un commandement. L'homme ne doit pas. Non, je couvre parce qu'il faut que je prie. Parce que chez les juifs, il dit, l'homme ne doit pas. Vous voyez? Il dit, parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu. Donc l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, commence à expliquer le mystère qui se cache derrière. Il commence à expliquer l'implication spirituelle. Que c'est au niveau de l'adoration. C'est au niveau de la gloire. L'homme est l'image et la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu ne doit pas être couverte. Personne ne peut cacher la gloire de Dieu. Vous voyez? Puis il dit ici, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Vous voyez pourquoi en réalité, quand la femme va au miroir, elle fait ça à cause de l'homme, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'une loi lui avait été dite. Tes désirs se tourneront vers ton mari et il gouvernera sur toi. C'est pour ça qu'elle fait n'importe quoi. C'est pour aller séduire un homme. Vous suivez ça, frère? C'est la loi de Dieu. Alors, il dit, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Comme la femme est la gloire de l'homme, voici le pourquoi elle doit se couvrir la tête lorsqu'elle va en présence de Dieu. Parce que la gloire de l'homme doit être couverte devant le Seigneur. Alors, je pose la question. Est-ce que vous, les femmes, vous saviez cela? Est-ce qu'on vous avait enseigné cela? Que vous n'avez pas le droit de prier devant Dieu sans avoir quelque chose sur la tête. Vous saviez cela? Vous saviez ça? Si vous saviez cela, avant de ne pas couvrir, vous êtes dans la désobéissance. Aussi même comme votre grand-mère Ève. Oui, ma femme. Est-ce que c'est alors seulement pendant qu'on prie ou Kadou, tu peux marcher avec le foulard, ou seulement pendant que tu pries ou tu lis la Bible? Il a dit là-bas que toute femme qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, il a dit prier ou préférer, donc tu dois avoir la tête couverte. C'est ce qu'il a dit. Après la prière, maintenant, tu peux enlever même si. Oui, si tu enlèves là, comme ça, tu enlèves. Si quelque chose te couvre, tu dis, hey mon Dieu, il faut avoir quelque chose sur la tête. Oui. C'est la Bible, ça, frère. Même si c'est lave. Même si c'est lave. Si c'est lave. Elle dit, pendant c'est lave, elle veut chanter pour Jésus, il faut qu'elle sorte de l'eau et met la queue sur la tête. C'est la Bible, frère. Il n'a pas dit K1, si c'est lave. K2, c'est dans le casque. K3, c'est dans son mari. Il n'a pas dit cela. Il a dit, si tu es dans la condition de prière, il faut que ça soit couverte. Fin de citation. Comment? Si c'est rare, elle est dans la désobéissance. La Bible déclare que si c'est rare, l'homme peut demander le divorce. À cause de cela. Tu ne demandes pas. Ok, dans ce cas, tu es comme Ève, frère. Tu es comme Adam. Tu portes la responsabilité de tes péchés. Tu es comme Ananias. Bon, avançons ici. Il dit donc que tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non couverte déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Puis il dit, l'homme n'a pas été créé. Il dit que, parce qu'il donne l'explication. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image. Donc, la gloire de Dieu ne doit pas être couverte. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Donc, voici pourquoi elle doit couvrir. Vous voyez? Puis il va expliquer qu'en fait, la femme n'a pas été créée à cause de l'homme. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais c'est la femme qui a été créée à cause de l'homme. C'est à cause du manquement, du désir de l'homme que Dieu a suscité la femme. Vous voyez? Je ne sais pas si on se comprend. Verset 13. Oui. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Applaudissez pour cette soeur, c'est que le Seigneur la bénisse. Applaudissez pour elle. Amen. Cette soeur-là. Vous savez, quand les gens avancent avec le Seigneur, encouragés, elle était là comme ça parce qu'elle était dans la désobéissance sans savoir. Lorsqu'elle a compris comme ça, directement, elle s'est voilée parce qu'on est dans la suite de la prière. Que Dieu te bénisse, mais que ce soit une habitude. On n'a pas dit que quand vous êtes quand vous partez à l'église, priez, mettez-le. Il a dit que lorsque la femme prie, donc si tu sais que tu pries à la maison, tu dois te voiler parce que tu es dans la présence du Seigneur, tu dois te voiler n'importe où. Voilà. Il dit, juste en vous-même, est-il convenant qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même, regardez bien très attentivement. Il a dit, juste en vous-même, est-il convenant? Est-ce que c'est normal qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne pas que c'est une honte pour l'homme de porter les longs cheveux. Au milieu de l'église, vous voyez les garçons avec le rasta. C'est eux qui tapent sur les batteries. Ils ont mis les rastas comme ça, là, ils tressent les rastas. La Bible dit que la nature ne vous enseigne pas que c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux. Puis il dit que écoutez bien, le volet suivant. Et que c'est une gloire pour la femme. Et que c'est pour une gloire d'emporter. Soulignez ça, vous les femmes, et puis je vais parler maintenant. Que c'est une gloire pour la femme de porter de longs cheveux. C'est ce qu'on a dit, non? C'est une gloire pour la femme de porter de longs cheveux. Puis il dit, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile, périboloyon, comme parure, comme ornement. Parce que c'est une gloire pour elle d'emporter. C'est une gloire, la parure. Il y a une gloire, la parure. Parce que la chevelure lui a été donnée comme ornement. Mais je ne sais pas si vous comprenez ce que mon Dieu allait parler. Donc, Dieu, après avoir fait l'homme, cherchant ce qui va lui plaire, a fait la femme. Et arrivé au niveau de la femme, cherchant ce qui va faire plaire à la femme, a fait ses cheveux pour que ça soit la chose qui plaise à la femme. La femme fait n'importe comment, elle part au miroir, elle regarde quoi? Ses cheveux. Vous le voulez ou pas, c'est la loi de Dieu. Vous ne savez pas, vous ne savez pas tout simplement que vous faites ça. Là, vous faites ça parce que Dieu vous a donné le cheveu comme votre parure, comme votre ornement, pour que vous preniez soin. Maintenant, déposez d'abord les bibles et les bibles. Je vous pose donc la question. Qui a donné votre chevelure? Et il a dit que c'est une gloire pour vous d'emporter. Quand vous prenez dans le faux là, vous mettez sur ça, vous couvrez. C'est pour dire quoi à Dieu? Je veux que vous répondez à la question. C'est pour dire quoi? À cet instant, on a rejeté Dieu, n'est-ce pas? C'est exactement quelqu'un qui porte les mèches sur la tête, les faux cheveux, c'est exactement comme quelqu'un qui s'était pigmenté. Vous venez de dire à Dieu que j'aurais souhaité que ma peau fût brune. Que pourquoi tu ne m'as pas crié brune? Il fallait que je sois brune. On prend dans le caribou avec l'hydroquinone pour mettre là-dessus. On a dû vouloir corriger Dieu. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Ecclésiaste chapitre 3, verset 15, je vais dire qu'il n'y a rien de nouveau sur le ciel. Que j'ai vu exactement ce qui est sur la terre, c'est que tout ce que Dieu a fait, Dieu a toujours. Et ce qui est courbé n'a pas besoin d'être redressé. Ce qui est redressé n'a pas besoin d'être courbé. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Donc si Dieu a tordu, laisse ça tordu. S'il a dressé, laisse ça dressé. Il fait comme ça, l'un et l'autre. Comme il a dit, le pauvre et le riche, c'est Dieu qui les a fait. Il fait comme ça pour qu'on le craigne. Craignez-vous Dieu en mettant les perruques sur la terre, vous appelez ça perruque. Plus grave encore, on dit faux cheveux. Tu dis, oui. Donne-moi le faux cheveu là. Donne-moi le faux ongle là. Vous prenez le faux. Pour mettre sur quoi? Maintenant même, il y a les fausses fesses. Oui, mon osateur. J'aime bien là, vous voyez. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Les faux seins, c'est de depuis. Il y a les fausses fesses maintenant. Donc, elle porte un truc à l'intérieur. Elle marche, elle fait comme ça. Je vais vous mettre ça maintenant, vous allez voir. Fossé. Donc, fossile. Faisons. Il y a l'autre à l'intérieur. Une femme, elle noie comme le macabo, quoi, la mamie du village. Et elle ouvre les yeux comme ça. C'est vert, comme les poupées qu'on donne aux enfants. Là. Tu demandes comment. Tu fais comment pour que tes yeux soient verts? Elle dit c'est lentille de contact, parce qu'elle avait contacté les garçons. Lentille de contact. C'est pour faire quoi? Contacter les garçons. Grave encore, ils ont coiffé ici maintenant. Remarquez bien. Vous ne savez pas seulement que Satan est en vous chosifier. Regardez en Noël, les poupées qu'on offre aux enfants. Regardez quand vous bougez la poupée, les yeux font comme ça. Observez ce que les femmes sont en train de devenir. Les cheveux, c'est ce qu'on donnait, ce que vous faisiez aux enfants. Les enfants faisaient comme ça. C'est ces cheveux que vous mettez. Pas vrai? Les cils de ça s'ouvrait comme ça, les petits là. C'est les cils, pas vrai? Les faux cils, on met la colle. Tu fais un bonjour, tu regardes comme ça. Ce qui est à l'intérieur est vert. Tu fais comme ça, tu es exactement la poupée là. Donc Satan vous a chosifié, quittez cette voie là. Tourne-toi, regarde ta voisine, dis enlevons tout ce qui est de faux sur nous. Jetons-le loin de la maison. Il ne faut pas qu'on vienne au culte. On enlève. On rentre à la maison. On met. Dis les chrétiennes. Ne sont pas la chauve-souris. Où tu es oiseau. Où tu es souris. Parce que les chauves-souris volent la nuit, n'est pas vrai? Tu ne sais pas finalement s'il est oiseau ou bien il est animal. Vous ne devez pas faire comme ça. Choisissez votre position parce qu'on a fait la recherche sur vous, on a vu que votre cas est grave. Vous me suivez? Alors, quand vous dites déjà faux cheveux, ça devait vous en éloigner parce qu'il n'y a rien de faux avec le Seigneur. Parce qu'il a fait le véritable, tout ce qu'il a créé était bon. Quand tu prends un ongle qui est faux, tu mets là-bas, tu en voulais dire quoi à Dieu? Qu'il est faux. Ou bien que tu n'aimes pas ce qu'il fait. Et qui est derrière l'inspiration de ce qui fait le faux? Donc c'est pour ça qu'il dit que Satan aime les femmes et les femmes aiment épouser Satan. Ouais. Vous voyez? Vous êtes les bombes de Satan que Satan utilise pour détruire l'humanité. C'est ce que Dieu nous a dit dans ses Proverbes chapitre 6. Il dit Dieu envoie des enseignements pour qu'on puisse enseigner ça, pour que les enfants prennent garde à vous. Vous me suivez? Une femme qui est digne de ce nom-là doit se couvrir de la plante des pieds jusqu'à la tête pour que l'homme qui doit l'épouser cherche à la découvrir. Parce qu'elle a quelque chose de précieux dedans. Elle désire plaire à Dieu et elle se préserve pour son nom. Mais quand vous exposez gratuitement, c'est parce que vous faites les benzikinés entre sur le camion, là où vous se tournez pour vous regarder. Vous pensez que vous allez faire quoi? Donc, le benzikiné, quelqu'un vous lave la moto, une voiture passe comme ça, emballée comme le saucisson. Il tourne comme ça, il passe, il te regarde comme ça, il oublie qu'il est sur la moto. Il va entrer sur le camion. Le sang là va tomber sur toi. Parce que lui déclare que ton cœur était un filet. En portant ça, tu dis j'ai de la valeur. Tu pars au miroir et remarquez bien vous et le miroir. Vous passez à côté d'une voiture. Quand la voiture est garée, vous regardez. Vous entrez à la boulangerie et le miroir. Vous voyez ce qu'il en est. L'homme n'a pas ce temps-là. Il entre là-bas, le pain aussi c'est combien. Et puis il en sort. Que sa veste soit comme ça, il n'a pas de temps pour cela. Hein? C'est pas ça? C'est ça. Ah. Que Dieu vous en préserve, n'est-ce pas? On peut avancer. Donc. Les cils, les paupières, les sourcils, tout ce que vous mettez là-bas, vous devrez arrêter cela, ce sont des péchés devant le Seigneur. Vos faux cheveux, faux mèches, et vous faites comme ça, ça sent même, vous n'êtes pas là. Vous sortez, vous prenez le papier, vous faites ça, fou. Ça sent encore. Tu restes un temps comme ça, que mes cheveux ça gratte, hein? Qui a les pellicules dedans, c'est devenu l'appareil photo. Il y a les pellicules dedans, les pellicules sont souvent dans les appareils photo. Donc tu commences ta tête, tu prends les produits, tu mets là-bas, n'importe quoi, tu mets là-dedans. Donc faisons attention, pas vrai? Enlever les faux cheveux parce que c'est un péché. C'est pas ça. Hein? Donc tu es devenu quoi? Tu vas dire la maladie qui enlève les cheveux. Ça veut dire que c'est pas de naissance. Ça veut dire que tu avais les cheveux, la maladie enlevée. Il faut prier que la maladie quitte pour que le cheveu revienne. D'accord. On avance. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. On peut avancer. Donc vous voyez une femme dont maintenant, la partie, si on appelle ça quoi? La femme va au mulot, on dit que j'ai mes piles. Elle prend la lame, elle fait comme ça, ça la coupe même souvent. Elle dit, aïe. Après, elle dit que Black Man ne die d'oti. Comment vous dites cela? Que Nyanga no de hot. Nyanga no de. C'est-à-dire qu'elles sont prêtes tout. Elles sont prêtes à tout pour accomplir leur Nyanga. Elle tatoue pour que ça ne quitte plus. Après, elle prend maintenant le noir que Satan a donné. Elle fait comme ça. Elle monte comme ça. Elle est le chat. Quand tu regardes comme ça, tu crois que c'est la tigresse. Elle parle comme ça, quand elles sont allées de l'homme à l'homme, on l'a déçu. Elle dit que le monde s'y met déçu. Elle dessine maintenant un cœur ici, là. Elle met la flèche dedans, qu'on a fléché son cœur. Pour dire que maintenant, comme je suis dehors maintenant, ça gâte ça. Ça dit malheur par qui, quel homme va être devant moi. Que premier homme, elle donne seulement, que la boutique, on ne ferme pas. Son âme est en jeu. Son âme est en jeu. Il faut qu'on se répande. Vous riez comme ça, c'est mauvais. Vous suivez? Donc, c'est ça donc que la Bible appelle par la sanctification pour les femmes. Donc, votre début de l'évangile, après que vous soyez baptisé, c'est ceci qu'on doit vous enseigner. C'est pour ça qu'on a appelé ça la sainte doctrine dans l'Antique chapitre 2. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'est-ce que les médisants n'y a donné au vin, mais qu'elle leur donne des bonnes instructions, sachant qu'elle a déjà reçu. Donc, qu'elle a reçu ces instructions, quand les femmes vont vouloir qu'une jeune fille va venir avec elle pour pouvoir faire ces choses, ma jeune fille, c'est pas comme ça. Garde-toi saine, garde-toi pure pour ton mari. Parce que le Seigneur veut comme ça, parce que tu as reçu ses enseignements. Vous suivez ça? Donc c'est à vous maintenant. Maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu du ciel et de la terre, vous ne direz plus jamais devant lui que vous n'avez pas écouté. Parce que mal vous en a pris, vous avez suivi cette voie-ci. Si vous voulez aller dans votre voie, vous regardez comme ça, vous dites, ou bien la voisine soit dit que maman, comment tu es devenu comme ça? Vous êtes entre vous et Dieu. Vous allez savoir si c'est l'évangile de votre voisin que vous avez respecté, ou si c'est la parole du Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 28, il dit qu'il vous a été dit, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, celui qui commet un adultère avec une femme sera puni de même. Moi, je vous dis, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis adultère avec elle. Vous entendez ça? Donc tu marches comme ça, en venant comme ça, tu tournes tes fesses comme ça, quelqu'un dit que, un adultère, l'autre va dire que, mon goût, deux adultères, trois. Après, tu dis que non, je m'en vais à l'église, je vais chanter pour Jésus. Mon frère, danse pour Jésus, danse pour Jésus. Les piches. Que si tu ne sors pas les piches, ils sont ailleurs. Vous allez finir comme ça, là, en enfer. Il faut qu'on vous dise ces choses pour vous amender. Il faut que vous rectifiez devant le Seigneur. Si on ne vous dit pas cela dans vos assemblées, sachez que le pasteur est dans le péché, Dieu va demander de compte. Vous entendez cela? Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 8, il dit, je veux aussi que les hommes prient en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Et puis il dit que je veux aussi que les femmes habillées de manière décente, c'est pas ni des tresses ni d'habits somptueux, mais que c'est pas de bonnes œuvres ainsi qui convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Me suivez? Je peux avancer? J'avance? Je suis encore en surface. Je suis encore en surface. On est en profondeur. Alors, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 11. C'est pour ça que hier j'ai pris seulement le verset 16. Parce que le problème des femmes, c'est l'habillement des femmes et le foulard et là-bas cause problème au lieu de l'église. Au verset 16, dont nous avons lu ça hier, il dit si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons point cette habitude-là, non plus que les églises de Dieu. Vous voyez, parmi les apôtres, on ne conteste pas cela. Les femmes doivent vivre comme ça, l'homme doit vivre comme ça. C'est un ordre. On ne conteste pas cela. On avance. Rentrons dans le livre des Proverbes au chapitre 7, cette fois-ci. Proverbes. Que notre Seigneur vous bénisse vraiment. Alors, vous qui prêchez dans l'évangile, quand vous dites aux gens que vous qui prêchez l'évangile, je vous dis ceci. Quand vous dites aux gens que recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, il faut que vous dites en quoi consiste la sanctification. Il faut que vous expliquiez à quelqu'un ce que vous êtes sanctifié. Sanctifier, ça veut dire nettoyer pour mettre à part. Donc, si tu dois être nettoyé pour mettre à part, ça suppose qu'il ne doit plus avoir l'identité de la saleté sur toi. Vous dites, je suis sorti du monde, l'habillement, l'accoutrement est exactement comme le monde. Cette femme n'a pas été sanctifiée. Ce n'est pas possible que ça se passe comme ça. Parce que le comportement du monde et de l'église sont totalement deux comportements différents. Et vous voyez, au milieu chrétien aujourd'hui, grave encore dans ce qu'on appelle choriste aujourd'hui, c'est grave seulement là-bas. Tu es grave, mais un frère. Peut-être c'est là-haut que ta femme va venir. Tu vas faire comment? Et c'est plus, le plus grave, c'est que ceux qui appellent serviteurs de Dieu n'osent pas dire cela. Parce que s'ils disent ça, ça va blesser les gens. Les gens vont fuir le culte. Non. S'ils vont comme ça, ils vont fuir, aller qu'à l'endroit où ils vont aller. Parce que tout à l'heure, j'ai pris l'exemple du Seigneur Jésus qui a dit quelque chose ici. Les disciples sont comme ça à partir. Est-ce qu'il les a appelés? Non. Ceux qui sont de la vérité sont restés, non? Voilà. Donc vous devez connaître la vérité. Vous devez admettre que vous êtes né avec vos cheveux. Dieu vous a donné ces cheveux, vous êtes sorti du ventre avec. Ce n'est pas votre mère qui a mis là dessus. Vous devez admettre que quand il vous est né, il n'a pas donné l'œil de Barbie. Il a fait cela, quand il a fini, il a fourni que tout ce qu'il a créé était bon. Tu veux dire que non, non, non, non, qu'il a dit que c'est bon. C'est quand c'est jaune. Vous voyez, maman, elle met ici la peinture rouge. L'autre ici est bleu. Demande que tu es le drapeau français. Demande à ta voisine que tu es le drapeau français. Une maman qui met ici le bleu. Elle dit que tu sais, c'est quoi? Elle dit que je suis meilleur. Meilleur. Mais Android. Proverbe chapitre 7. On y va. Proverbe le chapitre 7. On est aujourd'hui au chapitre 6. Lisons à partir du verset 1 alors. Proverbe le chapitre 7, à partir du verset 1. Mon fils, retiens mes paroles. Oui. Et garde avec toi mes préceptes. Oui. Observe mes préceptes et tu vivras. Oui. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Et appelle l'intelligence, ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. Stop. Vous avez encore vu le problème? Donc chaque fois, on s'adresse aux garçons que fais attention. Il y a le danger là. Et vous voyez le copinage en milieu chrétien. Ils sont ensemble. Voici mon petit ami. Vous voyez le garçon s'asseoir comme ça là. Dans l'assemblée, c'est comment arrêter la plus belle fille. Que mince. La sœur là a les formes. Tu as les formes. C'est un démoniaque comme ça. Mais la Bible en dit que mon fils, fais attention, garde les enseignements pour que ça te préserve. Pour que ça te préserve. Il a d'abord dit au chapitre 6 là-bas que fais attention, garde ces enseignements-ci, ne regarde pas ça. Si l'enseignant enseigne ceci, les jeunes garçons devaient s'asseoir, voir cette fille qui s'habille bien, mal, aller vers elle pour dire jeune fille, tu ne t'habilles pas bien. Parce que son but, c'est que Satan intente l'utiliser pour pousser le frère à la convoitise. Donc ne tolérez pas ça au milieu chrétien. C'est pour cela qu'il y a la fornication et le péché sexuel au milieu de l'église. Vous me suivez, frère? Continuons. De l'étrangère qui emploie des paroles douceuses. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. Stop. Donc vous voyez Salomon. Salomon commence à expliquer qu'en réalité, dans le laboratoire, Dieu lui a mis le laboratoire. Il est entré au laboratoire, dans la vitre du laboratoire. Il est entré dans le champ d'observance. Il a commencé à regarder maintenant les événements s'est passé. Et puis il nous donne le compte rendu de son travail. Avançons. J'aperçus parmi les stupides. Je remarquais parmi les jeunes gens. Un garçon dépourvu de sens. Stop. Vous voyez donc que parmi les jeunes gens, il y a des stupides. Et quand quelqu'un est stupide et dépourvu de sens, c'est que ça paraît grave. Oui. Donc il y a de nouveau des stupidités qu'on peut tolérer. Mais si tu es stupide et que tu es dépourvu de sens, quelque chose ne va pas chez toi. Donc un homme qui est stupide, qui regarde une femme déjà une fois, alors qu'il a une femme à la maison, il est stupide. S'il fait, il est insensé. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ses étrangères. Une de ses étrangers. Je veux que vous regardiez l'attroupement, l'accourtement de cette étrangère située. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Voilà un garçon qui sort lui tranquillement, il avait rentré à sa maison. Entre temps, et le garçon, et Salomon, et l'étranger ne savent pas que la caméra de Dieu est braquée sur eux, et Salomon les voit sur l'écran, n'est-ce pas? Donc tout ce que vous faites dans les ténèbres, on vous filme. Continuons, frère. C'était au crépuscule pendant la soirée, oui. Au milieu de la nuit et de l'obscurité. Oui. Et voici, il fut abordé par une femme. Oui. Ayant la mise d'une prostituée. Stop. Et la ruse dans... Lisons. Ayant... La mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Vous avez vu ça? Les deux attroupements. Quelque chose est sur elle. Quand Salomon a observé, il a vu que son habillement était l'habillement d'une prostituée. Donc, tourne-toi, dis à ton voisin que tu sois homme ou femme, dis que les prostituées ont leur habillement. Les prostituées ont leur habillement. En les voyant. Tu sais que voici l'habillement des prostituées. Maintenant, je vous pose la question. Vous avez vu une prostituée sans les mèches, sans les faux ongles, sans les phares? Alors, je pose la question. Si elles sont comme ça, pourquoi vous êtes comme ça en tant que chrétien? Posez-vous les questions. Puis, il dit ici que, ayant la mise d'une prostituée, la ruse dans le cœur. Je veux que vous remarquiez quelque chose. C'est qu'il était dans sa fenêtre au treillis. Il regardait passer et le garçon et la jeune fille. Mais la Bible déclare qu'il a regardé jusqu'à la ruse qui était dans son cœur. Comment il a pu voir son cœur? Donc, son agissement extérieur extériorisait ainsi ce qui était dans son cœur. Parce qu'une femme normale ne s'habillerait pas comme ça. Donc, tu vas beau justifier n'importe comment, ton habillement trahit ton intérieur. Donc, par exemple, si j'entre chez un garçon, je dis, oh, il dit oh, au niveau de l'assemblée, celui qui chante pour Dieu, celui qui conduit les louanges, je viens chez lui, j'entre chez lui comme ça. Je vois au mur les posters des femmes avec les seins. Je vois les posters d'Eto ici. Je peux savoir en quoi il s'entretient journalièrement. Parce que c'est ça, et ça indique ce qu'il y a en lui, ses passions. Un moment, il va dire que rien n'est ma passion. Que c'est Roberto Carlos, ou bien c'est Ricardo, c'est quoi, que c'est Eto. Donc, journalièrement, on sait ce qu'il a. Donc, ce qu'il nous fait au milieu de l'église, là-bas, il nous angoisse, c'est seulement. Alors, allez dans la chambre d'une fille, vérifiez où se trouve la Bible. Prenez le sac, vérifiez pendant qu'il part prier, vérifiez ce qui est à l'intérieur. Vérifiez seulement, vous allez voir. On arrive d'entrer quelque part, elle prend le parfum encore. Dis-moi ton voisin, tout ça pourquoi? Elle passe à côté d'une voiture, comme ça, ouah, ouah, le rouge allait sortir, elle sort encore, elle fait comme ça, attends, j'arrive. On a de faire culte, elle court aux toilettes. Tu penses que c'est pour aller pisser? Non, elle part au miroir, elle prend l'eau, elle fait encore comme ça. Elle laisse la parole parfaite. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est possédée de la plante des pieds jusqu'à la tête. Et le problème, c'est qu'elle ignore qu'elle est possédée. Les démons sont partout. Les démons rouges, elle laisse s'enlève comme ça là. Si c'est, il y a les démons comme ça là. En bas, ici, là-bas, devant. Sur le ventre, comme ça, les démons. Ils ont même mis le nom dans VCD. Ventre, corps et dos des dehors. Donc, désormais, on met ça dehors. Dieu dit, couvrez votre nudité. Et on dit, Satan croit que c'est ça qu'on va couvrir. On va se mettre dehors. Maintenant, les femmes acceptent. C'est normal qu'une femme reste comme ça là. C'est, on reste à distance, on voit ses seins, c'est normal. Et m'adresse aux femmes, vous, c'est normal. Non. La chose la plus merveilleuse sur vous que Dieu a donné où l'homme se délie, c'est votre sein. Mais vous marchez, vous montrez ça aux gens comme ça, comme que venez prendre. Et quand tu allais, quand tu allais, c'est pas ça, ma soeur. Quand tu allais, tu ne peux pas mettre un pain sur toi, tu mets l'enfant là-bas, l'enfant t'aide. Quand il est au soleil, là, tu couvres tout l'enfant là. Dis, ferme même aussi tes seins comme ça. Oui. C'est quoi, ma soeur? Courage, d'accord. On avance. Ayant la mise d'une prostituée, la ruse dans le cœur. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme-là? Elle était bruyante et sans retenue. Oui. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qui est dans son cœur, c'est que habille-toi bien, tu marches pour séduire. Parce que tu t'habilles comme ça, il faut que tu sortes. Vous voyez, vous, les prostituées, n'est-ce pas? Donc, si tu t'habilles, tu sors. Tu te trouves dans le Proverbe chapitre 7. Pas dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Bon, tu es dans le monde, tu avais les mèches, les faux cheveux, les faux hommes. Tu es en Christ, tu dis que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est vraiment passé pour toi. Dis à ton voisin, il faut la séparation. Il faut la séparation. D'accord? Voilà. S'il n'y a pas de séparation, vous allez vous tromper. Vous allez rester 2 Corinthiens 5, 17, ça va rester là-dedans. Vous restez dehors. Restez ça comme vous voulez. Ça sera toujours là. Vous serez hors de cela. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Posez-vous la question. Suis-je comme une prostituée? Regardez les prostituées. Observez. Pendant que vous êtes... Regardez seulement les films que vous voyez. Les séries que vous voyez. Regardez comment les gens s'habillent. On vous a présenté une image et vous voulez vous habiller comme ça. Pour vous trouver les justifications. J'ai fait ça pour plaire à mon mari. Pour plaire à ton mari se trouve dehors, il est au travail. Tu marches dehors, pas au marché. Tu t'habilles comme ça. Il est au marché. Et vous, les hommes, je vous pose la question. Permettez-moi, mes femmes, là, même une seconde pour qu'ils portent. Vous qui êtes mariés, là, qu'est-ce qui vous plaît sur votre femme au juste? Si ta femme porte les faux cheveux et qu'elle met le rouge à lèvres, elle vient. Elle dit, chérie, on peut partir. Elle dit, waouh, mon bébé, tu es belle. Quelque chose de faux, je trouve chez toi. Comment tu peux apprécier l'artificiel? Vous savez, vous allez dans les endroits où on vend le bouquin de fleurs. On fait souvent des fleurs comme du bananier, mais en artificiel. On fait souvent des choses différentes, je mangue en artificiel, les fruits en artificiel. Tu viens voir ça, tu dis que waouh, c'est très beau ça. Si vous dites ça, qu'est-ce que vous allez dire du goyave qui est naturel? Vous allez dire quoi, les goyaves naturels? Hein, mes frères? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec cela qui est artificiel? Vous pouvez manger ça? Non, ça, c'est le poison. Mais la goyave naturelle, vous pouvez manger, pas vrai? Quand vous mangez, dès que ça touche votre lait, vous savez comment votre corps est dans l'état. Et vous allez faire comme ça, là, vous allez, avant de faire... Le rouge à lèvres, dit efface ton rouge à lèvres. Et c'est quand même ça, vous appréciez. Il y a quelque chose de faux chez vous, pas vrai, frère? C'est pas ça, frère? Les hommes qui bavardent, vous avez eux-mêmes ne bavardent plus aussi. Et c'est toujours les hommes-là qui partent aussi acheter ça pour venir vous donner. C'est ça, non? Ma femme l'a dit aux hommes-là qu'il vous faut la délivrance aussi. Il vous faut la délivrance aussi. Amen. J'arrête ou je continue? Je veux que ce soit les femmes qui me disent si je continue ou pas. Ok. Je vous pose une question simple. Ça, c'est une question. Vous êtes né avec les oreilles percées. Hein? Qui vous a ordonné de vous percer vos oreilles? Montre-moi où c'est écrit. Montre, il y a un problème. Voilà la Bible devant toi. Il y a lancé de nouveau. Montre. Qu'on a dit qu'on perce. Oui. Que, pour que qui perce? Que. On perce les oreilles des enfants libres. Qui ne sont plus esclaves. Ceux qui sont esclaves, on perce. Attends, attends. Il faut pour que ce soit. C'est ce qu'on a dit dans l'Ancien Testament. On perce plutôt à qui? À ceux qui sont esclaves ou quoi? Esclaves. Donc, tournez-vous vers les femmes. Dites que si vous percez les oreilles. Vous êtes les esclaves. Donc elle a plutôt dit le contraire. Donc on a plutôt dit qu'on perce les oreilles de ceux qui sont esclaves, qui acceptent l'esclavage. Donc vous percez les oreilles pour montrer que vous êtes les esclaves. Mais on est esclave d'un maître. Donc vous êtes esclave de Jésus. De Jésus. Hein? J'ai demandé si j'arrête. Vous avez dit que je continue. Alors, lorsque l'enfant sort du ventre, remarquez bien, Dieu merci, Dieu nous a donné un prototype ici. La femme s'est accouchée son enfant, elle est sortie, le jour-là, elle était contente, non? J'ai dû poser la question directement, madame, vous avez percé son nez pour qu'elle respire? Non. Quand vous lui donnez le sein, vous avez fendu sa bouche pour qu'elle commence à se téter? Non. Quand elle est urinée, c'est vous qui avez fendu le bas? Non. Pourquoi vous avez percé ses oreilles? Dis-moi le pourquoi, au juste. C'est bien comme on a un prototype, il faut qu'on nous donne l'explication. L'enfant, c'est que je suis en train de voir pourquoi elle a décidé de poser ses oreilles. Quelle est l'explication que tu peux donner à Dieu que. Il est sorti du ventre, il faut que vous compreniez. L'enfant sort du ventre, l'œil est déjà là, le nez est déjà là, la bouche est déjà là, l'oreille où elle entend est déjà là, toutes les propriétés de trous sont déjà là. C'est déjà fixé, pas vrai? Il sort. Toi qui portes le trou là-bas, tu fais crac crac sur ses oreilles. L'enfant pleure. Pourquoi tu as percé ses oreilles? Explique. Parce que c'est un effet de masse en fait. Un effet de masse. Bon, tu veux continuer avec la masse ou tu vas sortir? Il va sortir. Amen. En fait, si vous remarquez, vous posez la question comme ça individuellement, vous n'avez pas d'explication pourquoi vous pensez les oreilles, vous suivez seulement. On a seulement trouvé. Donc, ce n'est pas dans la Bible. Mais toi, tu m'as dit que c'était dans les états de sa mort. Toi, tu croyais que c'était quoi? Bon, je pose la question. Si le monsieur, ce que tu viens de voir, vient à la maison un de ces jours, quand il rentre du travail comme ça, avec le jean un peu déchiré, comme ça, il dit, yo, man, que la matière Android, tu vois un peu, il a mis un pendant d'oreille ici, tu seras comment? Comment tu bouges encore la tête comme ça, là? C'est que tu vas lui dire quoi? Que l'homme ne porte pas. Montre-moi, on a dit que c'est la femme qui doit porter. C'est écrit où? Ouais, là, on se trouve, n'est-ce pas, les femmes? Non, les femmes. Est-ce que c'est écrit que c'est vous qui devez porter? Exode chapitre 32, je vais m'arrêter là-bas. Après, vous le savez, le même Seigneur. Exode chapitre 32. Que Dieu, notre Père, vous bénisse. Mais, c'est votre Bible là qu'on a de lire depuis, pas vrai? Ça fait un genre encore maintenant, n'est-ce pas? Soit vous venez, vous allez à la maison, ouvrez-la moi. Vous gardez quelque part, même si ça dure longtemps, vous allez prendre les écritures, ce sera la même chose chaque fois. Exode chapitre 32. On y va? Je vais lire. Hein? Exode chapitre 32, mais suivez dans votre Bible. Le peuple voya que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour de Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Vous avez vu? Donc Moïse est monté sur la montagne parce que Dieu lui a demandé de monter sur la montagne. Il a duré là-bas, les gens sont restés sur la terre. L'impatience de l'homme, quand Dieu fait quitter ses serviteurs au devant de son peuple, quand il n'y a pas de bons enseignants, le peuple va se livrer à n'importe quelle direction. N'importe quelle direction. Vous voyez? Parce qu'on vous a laissé, il n'y a pas les enseignants qui vous enseignent cela, chacun peut faire n'importe quoi. Et comme la majorité est comme ça, on va commencer à dire, tu penses que Dieu ne voit pas ceci, tu penses que Dieu voit sa parole. Souvenez-vous de David, ce qu'on a lu aujourd'hui de David. Souvenez-vous de cela. Alors, verset 2. Aaron leur dit, ôtez, suivez attentivement, je veux que vous regardez votre Bible. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos soulignez. Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos. Vous avez souligné? Femmes. De vos. Soulignez. Dont les anneaux se trouvaient aux oreilles de qui? Les fils et des fils. Je m'arrête d'abord, je repose encore la question. Comment tu dis hé encore? C'est la Bible, non? C'est toi qui m'as dit que c'était dans la Bible. Je sais où, partout où ça se trouve. Tout ce qui est écrit dans cette Bible-là, ça se trouve dans mon cœur. Tout. Alors, je te pose encore la même question que j'ai posée. Si celui-ci vient chez toi et dit yo, mommy, Android, avec les anneaux ici, comme ça, qui pense en faisant tchan, quand tu vas le regarder, tu vas dire quoi au juste? Même quand tu as vu dans la Bible, tu vas te dire que non, c'est pas normal, pas vrai? Ok. On avance alors, non? On y va. Et Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles. Donc on a bien dit femmes, fils et filles. Donc elles les femmes, les fils et les filles avaient les anneaux sur leurs oreilles. Donc si vous voulez être en règle avec la Bible, vous et votre pasteur, il faut que votre pasteur accepte de porter lui-même les boucles d'oreilles. Et vous faites à la maison, quand vous accouchez vos enfants, vous percez pour les enfants hommes et pour les filles. Vous serez en règle avec les écritures ici. Et là, en règle que vous serez maintenant, c'est que le jour qu'on va vous assembler pour enlever cela, on va réunir tout cela pour vous montrer qu'en réalité, vous servez d'autres dieux avec cela. Parce que la somme de tout cela, ce sont les parties des molles qu'on a distribuées à l'homme, à la femme, aux filles. En les réunissant, ça fait le veau d'or. Oh mon Dieu. Ok, on avance. Et apportez-moi. Verset 3. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportaient à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau d'or en fonte et il leur dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Voilà ce que les êtres humains peuvent faire. C'est pas ça, frère. Donc, je dis, pour que vous soyez en règle, pour que vous laissez vos boucles d'oreilles, pèse, tu pars à la maison, tu pèses pour ton garçon. Tu dis à ton mari que ton mari pèse sa part, ton pasteur pèse sa part. Et là, on sera en règle avec le Seigneur. Peuple corrompu par l'Égypte. N'est-ce pas? Les femmes. Ok, bon, les femmes ne répondent plus. Que le Seigneur vous bénisse. Permettez-moi de vous saluer. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est chaud. C'est chaud, vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Toi, que l'assemblée pour toi. Que Dieu bénisse. Que ça te bénisse. Que ça te bénisse. Que ça te bénisse. On va prier maintenant. D'accord, fermez le bouton. Mes frères et mes sœurs, bien-aimés. Bonsoir encore une fois de plus. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est merveilleux, tout simplement merveilleux ce que peut faire le Seigneur. Alors, le premier jour, la question nous a été bien posée. Qui servons-nous depuis? Et chacun, quand il venait, il avait l'assurance ou bien il était convaincu qu'il marchait avec Dieu. Maintenant, on peut répondre, est-ce que c'était avec Dieu? La question est non, n'est-ce pas? Et ce qui est surprenant, c'est que pourquoi Dieu fait donc ceci? Pourquoi maintenant? Et que hier, avant qu'on ne commence à venir ici, bon nombre sont morts. Mais vous avez été gardés jusqu'à présent. Pourquoi il fait ça? Il veut dire quoi derrière tout ce qu'il enseigne? C'est la question que chacun allait répondre. Qu'on le veuille ou pas, que nous soyons convaincus ou pas, Dieu ne demande pas notre opinion. En effet, il met une séparation entre le vrai et le faux. Pour dire quoi? Si tu es vrai, tiens-toi du côté du vrai. Il ne sort pas pour dire si je savais. C'est ce qu'il présente là. Ce frère bien-aimé a toujours un courage, un zèle, pour dire quelle est donc ma volonté. C'est ici. Il a dit, il le redit maintenant, et devant toi, que je mets devant toi la vie et la mort. Je te conseille d'aller vers la vie. Il laisse le libre à Dieu. Si tu es vrai, dis Seigneur, j'étais ignorant. Maintenant j'ai compris que tu es vivant, je me tourne à toi. Et toi et moi, nous pouvons prier. Mais demain, s'il te plaît, je dis, cette parole est dure. Qui peut? La porte est grandement ouverte. Ou bien qu'on nous chasse plutôt que c'est nous qui sortons. Non, c'est ça, je vais dire deux choses. Soit vous nous dites, sortez avec ce que vous êtes venu avec, et nous sortirons et nous ferons aussi exactement ce que l'écriture déclare, c'est-à-dire secouer la poussière de nos pieds. Sinon, vous vous mettez aussi dehors et laissez ce qui va avancer, avancer. C'est dans votre main là maintenant. Donc, si vous le permettez, donnez-moi seulement le feu vert et puis on va avancer. On peut avancer. Pourquoi je le dis? Nous avons grandi loin de la vérité. Et nous avons l'habitude de mépriser ce qui est saint. Parce qu'on ne connaît pas la valeur. Nous blaguons avec les prières, nous nous amusons avec Dieu. En sorte qu'on pense qu'un des jours, on va se tenir au devant de lui, on va pouvoir contester, c'est-à-dire avoir des échanges. Il n'est pas comme ça. Je le dis parce que la prière qu'on doit élever ensemble va avoir son effet. Va avoir son effet. Soit t'amener jusqu'à Dieu, soit te repousser très loin de Dieu. Parce qu'il n'y a pas un peu de vrai dans le faux. Il ne peut pas avoir aussi de faux dans le vrai. Soit c'est vrai, il n'est pas à la fin. Soit c'est faux, il n'est pas à la fin. Nous pouvons prier. Nous pouvons. Ok. Commençons déjà par rendre grâce à Dieu pour cette grâce qu'il a disposée. Tout le monde n'est pas favorable, mais seulement quelques poignées qui sont là maintenant. Il y a des gens cachés au fin fond qui désirent entendre ce que vous entendez et n'ont pas la possibilité. Qu'avez-vous fait pour entendre? Alors il y a de quoi être reconnaissant. Et ensuite, nous devons nous repentir d'avoir longtemps mélangé Dieu dans ce qui n'est pas. D'avoir longtemps eu des pensées de Dieu qui n'est pas de lui. Afin de nous tourner maintenant, que puisse celui qui a tenu la tête, qu'il conduit jusqu'au bon port. Alléluia. Amen. Nous sommes d'accord? La prosternation en vous la paix. Et chacun, justement, sa propre bouche et rend grâce à Dieu pour ce qu'il a entendu. Et je vais élever la voix pour nous tous. Père de toute consolation et de toute miséricorde, toi qui es, qui était et qui sera, toi qui viens, toi qui es le Tout-Puissant, qui en ce jour a étendu ta grâce jusqu'à ici présent, et qui a toujours montré ta bonté et ta fidélité dans les moindres détails de notre vie. Père, en ce jour, en ce moment que tu nous accordes le privilège de nous prosterner au-devant de toi et de t'être reconnaissant, Seigneur, de tout notre cœur, nous te disons merci pour ce privilège. Merci Dieu, merci Père de toute consolation. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es le Dieu vivant et le Tout-Puissant, du privilège que tu accordes à ton peuple afin de nous enlever des ténèbres pour nous conduire à ton admirable lumière et de marcher avec toi dans la vérité et dans ta connaissance. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te disons merci. Merci de tout notre cœur, notre Père, parce que du haut des cieux, tu pensas à nous et tu t'es approché de nous pour nous amener à toi afin que nous marchions droitement sur le chemin que tu as tracé. Notre cœur est dans la joie. Il n'y a pas aussi grande joie que celle-ci. Oh Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te disons merci. Merci notre Dieu, merci notre Roi, merci notre Seigneur, merci notre Sauveur. Merci pour ton œuvre, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde et merci encore pour ta consolation. Et merci Dieu juste et saint pour ton grand amour que tu répands dans les cœurs. Merci pour ta présence par ton esprit qui nous anime, afin que nous fléchissons tous les genoux au devant de toi et que nous reconnaissons ta majesté, que tu es Dieu. Que c'est toi, ô Père, qui attire à toi, c'est toi qui transforme les vies et c'est toi, ô Père, qui étends ta main pour accorder la délivrance. Merci Père parce que tu nous as enseigné la vérité afin que nous soyons libres. Père, ta parole s'accomplit aussi dans notre vie en ce jour que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Merci parce que tu nous affranchis. Merci parce que tu fais tomber les écailles de nos yeux. Merci parce que tu nous amènes dans une vie nouvelle avec toi. Merci parce que tu nous donnes l'assurance, ô Père, de ne plus marcher en tâtonnant, mais de marcher avec assurance et fermeté. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Notre cœur t'exalte. Notre cœur, ô Dieu, élève la grandeur de ton saint nom. Et nos lèvres confessent, Père, que tu es, tu étais, tu seras notre Dieu, notre roi, notre Père, notre guide, notre consolateur et notre précieux trésor. À toi seul, l'honneur, la gloire, la puissance, le pouvoir et le règne, dans tous les siècles, dans toutes les générations, dans toute l'éternité. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que chacun se repente maintenant et dit ouvertement au Dieu juste et saint que j'abandonne les ténèbres et sois sincère dans ton cœur et sois vrai avec toi-même parce que lui, il est vrai et fidèle. Sache que toutes les paroles que tu auras prononcées en ce lieu au devant de lui, il tient cela en considération et c'est cette même parole qui te retrouvera dans la suite du temps. Alors, si tu es vrai, dis avec nous, Père, j'abandonne le monde noir dans lequel j'étais plongé. Parce que toi seul, tu m'as fait en ce jour connaître la vérité. Mes oreilles ont entendu. Mon cœur rend témoignage. Et mon être tout entier veut te suivre. Père, je te prie de me pardonner. Je reconnais que je suis très peu de choses. Ma pensée et mon raisonnement m'ont éloigné de toi. Mais maintenant, suis ta grâce. Je me couvre. Je m'humilie. Je suis au devant de toi. Désirant que tu transformes tout mon être. Reste en moi. Je reconnais que je suis pécheur. Mais je vais quitter le péché. Je reconnais être nu. Vêtis-moi. Je veux marcher avec toi. Parce que toi seul, tu as tendu la main vers moi. Pour me faire du bien. Maintenant, je vais te suivre. Car j'ai compris que tu veux mon bonheur. Il n'y a pas de plus grand bonheur que de marcher avec toi. Donne-moi à mourir de moi-même, à porter mon fardeau et à te suivre. Et que ta grâce parle en ma faveur pour toujours jusqu'à ce que je te retrouve au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant je prie pour vous, d'accord? Père, voici que tu es encore et encore fidèle, fidèle, fidèle dans les moindres détails. Voici ton peuple au milieu de toi, voici ton peuple prosterné et les yeux tournés vers toi, les cœurs fléchis sur ta grâce. Père, tu as fléchi le cœur de ton peuple par la vérité. Et c'est la vérité, c'est ta parole, et la parole, c'est la division entre ce qui est mauvais et ce qui est bon. Maintenant, ton peuple veut quitter la souillure et toute forme de vie nocturne qu'ils ont menée pour venir à la lumière. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, toi qui es bon et qui pardonne le péché et qui pardonne les iniquités. Père, je te supplie, nous te supplions, de pardonner ton peuple. Pardonne toute l'iniquité de ton peuple. Pardonne tous les péchés de ton peuple. Pardonne toutes les transgressions de ton peuple. Et donne à ton peuple, Seigneur, un cœur nouveau. Un cœur de chair. Un cœur, ô Dieu, qui aime ta loi et qui se soumet volontairement à toi. Père, j'élève la voix pour te supplier. Père, toi qui as commencé l'œuvre, de les accomplir dans leur vie. Dispose toi-même les voies et moyens afin que tout ton peuple soit canalisé vers toi, qui est le rocher des âges. Donne à ton peuple d'aimer ce que tu dis et de s'enraciner à toi. Accorde à ton peuple de la sagesse et de la force, ô Dieu, pour mettre la séparation entre eux et pour être ferme dans les voies qui se sont engagées en ce jour au-devant de toi. Donne à ton peuple d'avoir toujours ton alliance dans le cœur et de savoir que nul autre n'est mort à la croix à Golgotha si ce n'est toi. Que nul autre n'a répandu son sang si ce n'est que toi. Et que tu as répandu ton sang, Père, pour, ce n'est pas pour blaguer, mais c'est pour couvrir les péchés de ceux qui viennent à toi. Tu as attiré à toi ce qui t'appartient, de même que ton sang couvre tous leurs péchés et toutes leurs iniquités. C'est toi qui as commencé l'œuvre, Seigneur. Conduis-le au bon port et conduis-nous tous ensemble. Et que ton amour seul repose sur nous et que ta grâce couvre la multitude de nos péchés et que ta miséricorde, ô Père, nous donne à nous mettre à part pour vivre avec toi, pour toi et par toi. Car c'est toi qui étais, qui es et qui sera le Dieu qui délivre. Merci Père parce que tu nous aimes et tu nous exauces. Merci Père parce que ton oreille est attentive à nos prières. Merci parce que c'est toi qui mets les mots justes sur nos lèvres afin que nous les présentons au devant de toi. Merci Père parce qu'en ce jour, tout ton peuple, ô Dieu, doit marcher avec toi. Car tu as dit, tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Pour tous ceux qui t'aiment et gardent ta parole. Merci parce que ton peuple aime ta parole et vont garder telle que tu nous as prescrit. L'honneur et la gloire te revient, Majesté, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Amen. Amen. Amen. Amen. Tenons-nous debout, on va prier. Je vais prier maintenant pour vous. C'est le moment. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Je peux ne pas savoir quel est votre problème. Mais le Seigneur Jésus-Christ connaît quel est votre problème. Tenez-vous debout en sa présence. D'accord, bien-aimé. Et que Dieu vous bénisse. Tenez-vous debout. Vous croyez-vous qu'il a pardonné votre péché? Croyez-vous que vous allez sortir ici, vous séparer de ces choses-là qu'il a dénoncées? Enlevez vraiment cela hors de chez vous en croyant que Dieu va marcher avec vous et que vous allez marcher avec lui maintenant. Je vais prier pour vous. D'accord? Ne bougez pas de là où vous êtes. Laissez-le faire ce qu'il a fait maintenant. D'accord? Restez juste calme. Juste calme et laissez-le faire ce qu'il a fait. Mais vous savez les problèmes que vous avez. Lui, il est au courant de cela. D'accord? Lui, il est au courant de cela. Maintenant, nous pouvons défier Satan avec tous ses artifices, maintenant avec le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, c'est toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Croyez-vous cela? Alors maintenant, si vous avez des situations dans vos vies, vous et moi maintenant ensemble. Il a dit, deux voiles mieux qu'un. Vous et moi ensemble, nous pouvons aller devant le trône maintenant pour être secourus dans nos besoins. Pensez-vous que c'est possible? Alors je veux que vous joigniez à moi par la foi. Nous allons devant le Seigneur, d'accord? Maintenant, je défie Satan maintenant avec ses œuvres maintenant. Avec le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez les problèmes que vous avez, c'est pour vous qui prie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Satan, je t'ordonne de quitter ce peuple-ci. Je t'ordonne de quitter ce peuple-ci maintenant au nom de Jésus-Christ et de laisser libre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, puissance satanique qui marchait contre ce peuple, quel qu'en soit ton nom, quelle qu'en soit ta destination et ton origine, je t'adjure maintenant de quitter chacun d'eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Restez juste calme. Laissez le Saint-Esprit faire l'œuvre, d'accord? Laissez le Saint-Esprit faire l'œuvre. Vous savez quelle est votre situation. Lui, il le connaît mieux que nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit votre situation, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ que ça s'arrête maintenant. Satan, sors de cette femme. sors d'elle maintenant. Sors d'elle maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur, j'invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ sur chacun de vous et chacune de vous ici maintenant. Je défie toute puissance de l'ennemi qui marchait contre vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui s'est dressé contre vous, je les adjure maintenant de sortir au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute puissance qui était dans vos vies qui vous dérangeait, c'est sa fin maintenant. Je vous adjure, je vous conjure au nom de Jésus-Christ de Nazareth de quitter ces gens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, cette femme qui a cette vente ballonnée, il y a, l'esprit est sur toi. L'esprit est sur toi, oui, maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Sors-là maintenant. Tu ne peux pas te cacher. Elle n'est pas ton habitation, c'est ta affaire aujourd'hui dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors d'elle. Sors d'elle. Elle n'est pas ton enfant, elle appartient au Seigneur, elle va servir le Seigneur. Tu ne peux plus bloquer à sa vie. C'est terminé aujourd'hui. C'est terminé aujourd'hui. C'est terminé aujourd'hui. C'est terminé aujourd'hui. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors d'elle maintenant. Encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors, sors. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Je commande. Et libère sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors de son ventre maintenant. Sors de son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, ça monte là, ça monte. Sors! Sors! Enlève-lui le foulard là, ça va te faire la génération. Enlève-lui ça. Sors! Satan, je te défie avec le nom de Jésus-Christ sur ce peuple, si tu dois quitter et faire place au Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te défie maintenant dans la vie de ces garçons. Quitte-le maintenant. Quitte-le maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Tends-lui la main, tends-lui la main. Là, c'est là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi. Hey, cela. Hey, ça sort. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. T'as la main sur son bras. Qu'est-ce que tu fais dans sa vie? Qu'est-ce que tu fais dans sa vie? Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors! Sors! Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Ok, maintenant, c'est la fin maintenant. Sors ça! Sors ça! Sors-toi! Toi! Tu ne peux pas la tuer. Et tu ne feras rien à son enfant selon ton plan. Sors maintenant! Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ, sors d'elle maintenant! Sors! Mais c'est pas ici là. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Au nom de Jésus Christ. Sors d'elle maintenant! Au nom de Jésus! Je sais comment c'est aussi la mienne. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Sors! Satan, je te défie maintenant. Je te défie de quitter le peuple de Dieu. Je te défie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton alliance avec lui est brisée. Ton alliance avec lui est brisée. Sors! Sors! Sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ, sors de son ventre maintenant. Je t'ordonne dans le nom de Jésus-Christ. Sors! Sors! Tu ne manipuleras plus sa vie. C'est terminé. C'est terminé. Quitte son corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens pas ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de... Oui, sors-le maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que tous tes poisons sortent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Terminé. Regarde ça, regarde ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libre. Ça va? Je ne vais pas avancer pour prier maintenant. Ce n'est pas contre toi, d'accord? C'est contre l'autre être qui te dérange, d'accord? Ou bien on le laisse tranquille. Viens-nous ici, viens ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, lève-toi. Dans la main. Tiens-toi là, tiens-toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il faut qu'on arrête tout ce qui te dérange, pas vrai? Rihanna, oh joli Rihanna. Voilà le problème maintenant dans la délivrance. Il faut maintenant délivrer Rihanna d'abord. Joli Rihanna. Père! Aïe! Sors d'elle maintenant. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors d'elle maintenant. Son ventre est devenu votre aéroport. Son ventre est devenu votre aéroport. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la maintenant. Lâche-la. Lâche-la. Mais comment tu sais que c'est ça? Moi, je vais prier dans son parler, d'accord? Le temps que tu commandement là-bas. Je te commande au nom du sang de Jésus-Christ de Nazareth de libérer sa vie. Lâche sa vie. Libère sa vie. Je te redonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth de libérer sa vie. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus invoqué sur toi maintenant. Quel qu'en soit l'endroit où tu te caches, c'est terminé. Libère. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère sa vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te commande de libérer. Je te commande de sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te commande. Je te commande, toi esprit de ténèbres. Toi esprit de ténèbres. Toi esprit de ténèbres. Je te commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth de libérer. Je te commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth de libérer. Je te commande au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth de libérer. Toi, esprit des ténèbres, je te commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth de libérer sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te l'ordonne de libérer sa vie. Son corps est le temple de Dieu. Ton corps est l'habitation du Dieu vivant. Son corps est l'habitation du Dieu vivant. Je t'ordonne de libérer sa vie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te l'ordonne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth de libérer sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ordonne de libérer. Je t'ordonne de libérer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ordonne de libérer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ordonne de libérer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sa vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du sang du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte-la. Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Vous autres qui êtes debout là, mettez seulement votre main droite sur vos ventres, vous les femmes particulièrement là. Mettez seulement la main sur votre ventre. Alors compris, d'accord? Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, sors d'elle maintenant. Sors d'elle maintenant. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que c'est pour toi ici là maintenant. Viens, viens frère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mets plutôt sa main sur son ventre. Toi-même tu vas travailler. Oh, mais c'est ça de travailler comme ça. Il y a où c'est chez vous ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Satan était défi dans la vie de cette fille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il te défie dans la vie de cette femme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes entrailles s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Satan, je te commande dans la vie de ces enfants-ci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Satan, je te défie dans la vie de ses enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, madame, lève-toi, lève-toi. Tous tes poisons que tu as mis dans son être, maintenant je t'ordonne de sortir. Sors tout maintenant. Sors tout, tout, dans son système. Tu quittes son corps, tu quittes son être. Tous tes poisons, je te commande et t'ordonne maintenant. Sors! Sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois, ça fait pas tout. Tape sa main, tape sur sa main. Comme ça. Au nom de Jésus. Observe, observe, observe seulement. Tape encore sur sa main. Au nom de Jésus. Encore. Quitte sa vie maintenant au nom de Jésus. Encore. Au nom de Jésus. Voilà. Mets ta main sur sa main. Non, dis-toi, puissance démoniaque qui dérange la vie de cette fille, je t'ordonne de quitter. Toi, puissance démoniaque qui qui dérange la vie de ce fils, je t'ordonne de la lâcher maintenant au nom de Jésus. Tu quittes sa vie au nom de Jésus. Je te commande de lâcher sa vie au nom de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tu lâches maintenant au nom de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Sors! Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Sors! Au nom de Jésus. C'est pas terminé dans ton ventre. Je t'ordonne de sortir. Au nom de Jésus. L'esprit qui, cet esprit qui prend souvent les gens, on dit que quelqu'un est dans le coma. L'autre aussi. Ça te met dans un état de la tarant, quoi, peut-être que tu es mort. C'est là, on va te mettre à la mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche ta tête maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, moi c'est tout là comme ça, tu vas mettre deux côtés de la vente. Non, non, elle a quelque chose d'avoir. Mais c'est ça là, on va qu'elle va sortir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça va, mon ami? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est terrible, c'est terrible que de marcher comme ça. Vous dites que vous servez de Jésus avec les choses. Au nom de Jésus. Lâche, ah, ouais, voilà, lâche ta vie, lâche ta vie au nom de Jésus. Sors! Je te commande. Sors! Je te commande au nom de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te défie dans le corps de cette jeune fille. Tu ne dois plus la déranger maintenant. C'est ta fin. Tu ne dois plus habiter dans son corps. Au nom de Jésus, je te commande. Tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux plus habiter son corps. Tu ne peux plus manipuler sa vie. Je t'adjure maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit méchant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom tout-puissant. Au nom de Jésus-Christ. Attendez, c'est le quoi qu'on a ici, n'est-ce pas? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous voyez ça? Et vous avez vu des bisous. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te commande de la lâcher. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Qui es-tu? Au nom de Jésus. N'est-ce pas la fille qui Jésus qui a fait ça? C'est elle là, non? Qui es-tu? Au nom tout-puissant de Jésus. Vous allez entendre. Vous savez que le milieu de l'église, c'est clair. Qui es-tu? Esprit méchant. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Ah, Seigneur, où est-ce que je vais aller avec l'église? Où est-ce que je vais aller avec l'église? N'ai pas peur, d'accord? Je te sens le tourner là comme ça, c'est pas que je sens le tourner. N'ai pas peur. Comment tu peux être avec l'église? Maman, j'espère qu'elle ne va pas être douce comme ça. Je suis de Jésus. Je sens le tourner, mais elle se met à dire, je ne veux pas être comme ça. Qui es-tu? Qui es-tu? Je veux que ce soit cet esprit dans son identité. Parce que si il dit l'identité, vous n'allez pas avoir d'influence. Observez, suivez. Qui es-tu? Au nom de Jésus. Oui, mais si ce mec, c'est mon fils pour partir. C'est moi qui ai dit que. C'est clair que si tu demandes qu'est-ce que tu fais dans sa vie, c'est pour la détruire, n'est-ce pas? Ils ne vont que pour voler, égorger et... Donc la question, qu'est-ce que tu veux faire dans sa vie, n'a un peu de sens. Parce qu'ils vont nous dire, c'est classique. Mais ils vont nous dire, qui est-ce? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus-Christ Nazareth, qui es-tu? Qui es-tu? Don't be afraid. I am with you. Mm-hmm. And God is also with you. Do you wonder if there's something that is negative, then you should remove it? Qui es-tu? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En fait, là où il se trouve, elle a des bagarres entre la, ça bascule entre la conscience et son subconscient et sa conscience. Elle parvient, elle essaie dans son être à se battre, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Mais elle n'est plus sous son contrôle. Vous savez, même si elle veut visiter, maintenant, elle ne peut plus venir chez moi. Mais cette jeune fille-là, va t'asseoir, mademoiselle. Que le Seigneur te bénisse. On allait toujours vivre comme ça, là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'exercice d'esprit, ça ne la rend pas totalement inconsciente. Donc elle est semi-inconsciente, semi-consciente. Donc de sa propre personnalité. Et l'autre ici, il y a un être qui est à l'intérieur, parallèle à son être. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, si cet esprit se fâche ici, c'est que même 5 personnes ne suffiraient pas pour l'arrêter. Donc l'autre ici, vous êtes forcément l'enchaîner comme peut-être que vous voyez en faire comme ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Lève-toi. Hein? Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui es-tu? Quel est ton nom? Il t'ordonne de parler. Il t'ordonne de parler. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit ne veut pas absolument parler, il veut seulement que. Je veux partir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, sors d'elle alors. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle et ne lui fais pas du mal. Sors d'elle maintenant. Sors d'elle sans lui faire du mal. Sors d'elle sans lui faire du mal. Parce que toi, mon cher, ça va. Que Dieu te bénisse. Maintenant, tu dois maintenir ce qu'il a fait là. Maintenir ta délivrance. Tu as un rôle à jouer. Sors d'elle sans lui faire du mal. C'est ce que j'ai ordonné. Madame, qu'est-ce qui était au niveau de ta ceinture ici? Dans ta ceinture, dans ton ventre, qu'est-ce qui était là? Tu penses que c'était quoi? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai demandé que tu sors d'elle sans lui faire du mal. Ah! répète Amen. Voilà l'église. 95% des chrétiennes sont comme ça. J'ai demandé que tu sors d'elle. Sans me faire du mal. C'est terminé. Pas de négociation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On a su expliquer là-bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Bye bye. C'est terminé. Terminé. Terminé. Au nom de Jésus. Vous allez chanter la chanson de cantique ou lui est en train de vous dire. Et vous voyez, les calmes là, papa. Essayez de voir si est-ce qu'il me voit. Comme ici, il s'agit de bavarder à la conscience de cette femme-ci. Alors, cette femme-ci, non seulement l'être qui la dérange est avec son être. Il faut qu'il parle avec son être et cet esprit-là. Parce que c'est ça qui nous crée pour lui. Quitte sa poitrine. Tu ne lui fais pas du mal là-dedans. Quitte sa poitrine. Il dit, tu ne lui fais pas du mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte sa poitrine. Sors. Lorsqu'on apprécie quelqu'un pour ce qu'il est, pour les valeurs qu'il a, des choses extérieures, ça n'a pas de sens. Ça veut dire que le jour où cette chose-ci vient à ne plus être là-bas, on va te haïr. J'ai dit hier que je t'ai parlé. Lorsqu'on apprécie quelqu'un pour ce qu'il a, alors lorsque cette chose-là vient à ne plus être, on va haïr la personne. Il y a des mouchardages pour rien. On commence à avoir des inimitiés pour rien, tout simplement parce que c'est qui y avait, il n'y a plus. C'est ça dont je parlais hier. Lève-toi, mademoiselle, lève-toi. Tu es libre. Va maintenant vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. Tu sais ce que je viens de dire? Donc, quand tu as quelque chose, on te considère. Quand il n'y a pas la chose, on ne te considère plus. Et par conséquent, donc, il y a ce qu'on appelle donc l'isolement, la solitude. On n'a plus de véritables amis qui sont amis véritablement au sens amis du terme. Mais on aime pour quelque chose. Bon, on fait comment? Tu es chaud pour. Aïe. Où est-ce que tu es le Nyanga? Lève-toi. Tu as suivi ça? Tu as suivi ce qu'il dit? On dit les bons, les vrais amis, les vrais sont. On connaît les vrais amis dans le moment des difficultés. Pas les gens qui viennent à côté de toi parce qu'ils vont faire quelque chose. Tu comprends maintenant? Ok. J'ai dit qu'il devait te parler. Décider d'y être, c'est une séparation. De quoi est-ce que tu as besoin de te séparer? Quelque chose qui est difficile pour toi de dire, mais il faut une séparation ici, il faut que ça soit résolu, que ça soit déterminé. De quoi est-ce que tu vas nous prendre de parler là? C'est un bon jour de matin chaud, papa. Tu vois? Je parlais de quoi là-dedans? Hier, je t'ai dit quand tu étais ici, je t'ai parlé de séparation, n'est-ce pas? Qu'on a eu dans le passé, assis 10, 20, ça c'est 30 ans maintenant, ces choses que j'en ai parlé, ça fait 30 années, exactement, ces choses-ci, ce n'est pas encore terminé, la discussion ce n'est pas encore terminé, il faut que la résolution soit là, ça c'est 30 ans, ce que j'en ai parlé, ça a lieu, là c'est la 30 ans. Oh! Ben, je vais recommencer le jour. Je prie au Dieu blanc que tu couvres par l'ombre de ta puissance, que tu veilles sur son âme, sur son corps, sur son esprit, afin que désormais, elle sert à la louange de ta gloire, et que l'ennemi ne vienne plus faire obstacle dans la louange qui sort de ses lèvres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elle vit toute sa vie pour te servir, par l'esprit Seigneur de la gloire, au lieu des entrailles. Ça va, juste à maintenant, ça va pas. Il s'agit d'un désaccord. On peut parler, c'est une histoire familiale. Ça a commencé, il sera 30 ans. Ça suit, ça continue maintenant. Faut que tu t'assoies, papa. Donc, tu sais que ton problème, c'est le forcément le bâtard. Est-ce qu'il y a des problèmes? Eh, mon frère, c'est ça ou c'est pas ça? Vous avez causé, il y a eu des choses, pas vrai? Il y a ceux qui savaient que ça, c'était que ça enfoui. Vous saviez qu'il y avait ces choses-ci. Tu as besoin de fortifier, d'accord? T'as même tu as besoin de prier maintenant. Et que penses-tu aussi du baptême? Tu es sûr dedans? Donc c'est un domaine des responsables de cette assemblée maintenant. Il y avait l'autre femme, la première femme avait l'air, celle qui est venue. Oui, la femme qui est venue, qui est ici. Elle est sortie d'elle. Elle est sortie, elle est sortie après. Elle est arrivée. Tu étais l'habitant, l'habitation des autres personnes qui marchent aussi dans ton quartier. C'est ça qui peut alors. Non, c'est pas ça. Ça ne vient pas à cause de nous. Écoute, ça vient par là. D'accord. Quand vous dites habillé ou bien tu t'habitues, tu m'as dit un père comme ça. Je suis belle. Après, le père se transforme la nuit. Le père que tu as resté dans la journée, tu l'acceptes dans la nuit. Après ça, on cause. Il faut que tu aies un peu de temps. Il faut que tu aies un peu de temps. D'accord. Ça va? Pourquoi on regarde dans le miroir et on veut l'âme? Qu'est-ce que vous voulez de l'âme lorsqu'on est-ce qu'on regarde dans le miroir, on peut le l'âme? Comment ça tu ne sais pas? On voit dans le miroir, on dit, ça c'est l'homme, c'est pas moi ici. Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tu peux venir me commander une fois. Merci beaucoup. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te rends grâce. Oh Père, quelle gloire. Quelle joie, Seigneur, d'avoir partagé ces moments en ta présence. Seigneur, ça a été un réel bonheur de partager ta parole, de boire l'eau vive que tu es. Je te bénis et je te rends grâce, ô Dieu de gloire, pour ces moments que tu nous as accordés depuis hier. Je te bénis, Seigneur, mon Dieu, car dans ton bienveillant dessein, tu as bien voulu, Seigneur, nous faire partager le bonheur de ta gloire. Seigneur, je te rends grâce. Oh Dieu, je veux te recommander tous les frères, toutes les sœurs ici présentes. Seigneur, car nous t'appartenons, je veux venir devant ton trône, Seigneur, pour te recommander nos vies qui désormais t'appartiennent. Père, pour que tu en prennes possession, que tu prennes la totale possession de nos vies et de nos cœurs. Seigneur, je te prie. Que tu étendes ta main puissante sur chacune de nos vies. Seigneur, que à partir de ce moment, que ton esprit prenne le total contrôle de nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta parole toute puissante prenne le total contrôle de nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta parole purifie toute pensée, qu'elle purifie tout esprit. Qu'elle purifie nos corps, nos âmes et nos esprits et nous garde, Seigneur, saints et purs pour ton avènement au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie que ta grâce, que ta bonté, que ta pureté, que ta sainteté soient notre partage au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ton amour soit notre partage, que les païens, que les hommes autour de nous voient, Seigneur mon Dieu, comment nous mettons en pratique ta parole, car tel est ton désir, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour les frères qui sont venus nous accompagner dans cette prière, que tu les raccompagnes, Seigneur, que tu les gardes, que tu les protèges. Seigneur, que tout homme, ô Dieu de gloire, qui veut s'opposer à ta parole, ô Dieu, qu'il soit brisé. Seigneur, que toute pensée qui veut s'opposer à ta parole, ô Dieu de gloire, soit brisée. Au nom de Jésus-Christ, accompagne chacun de nous dans nos vies, dans nos maisons. Seigneur, garde-nous, protège-nous et donne-nous, Seigneur, de nous retrouver à chaque fois, à chaque jour, dans ces lieux à Yaoundé comme à Douala et partout dans le monde. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.